Depuis 19h, c'était le Before Party Fun sur Fun Radio avec à l'instant Sound of Legend. Et tout de suite, comme tous les jours à 20h, deux légendes de la radio. Oh putain, le doc. Les légendes. Mais combien il t'a filé, Karel? Non. Il t'a filé un gros billet? Ouais, je vais te dire, quand tu dis ça, JB, je suis sûr que Doc il y croit. Hein. C'est le Doc et Karel. Non, attendez, laissez-moi terminer. Donc deux légendes de la radio, le Doc et Karel. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut à toutes et à tous. Bienvenue. Bravo. Ah bah dis donc, je trouve que pour des légendes, on mérite plus de salaire, hein, non, sans déconner. Ouais, ça tu vas repasser. Ah oui. Comment ça va? Arrêtez. Qui c'est qui a... Ah c'est JB qui a applaudi. Il a applaudi tout seul. Merci beaucoup JB. Bah, c'est quoi? Plaisir. C'était un super passage en tête. Eh bah avec plaisir. Bravo. Bravo. Merci public. Salut. Allez go. Fun Radio. Radio. Tous les soirs. 01-42-48-5000 Love in Fun. Love in Fun. Avec Doc et Karel. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et bienvenue sur Fun Radio dans Love in Fun. Avant. Oh, ça suffit là. Continue là. Coupez le micro là, s'il vous plaît. Mais non, on s'amuse. On s'amuse. Ah, ok. Avant dernière émission. Il file un sacré gros billet. Hein. Bah oui. Ah oui. Ça m'a coûté un bras, comme on dit. Avant dernière émission, avant la fin de la saison, on compte sur vous toute la soirée pour venir délirer avec nous. Nous poser toutes les questions que vous voulez. C'est Love in Fun, votre émission tous les soirs, 20h, 22h. C'est la seule émission qui vous vient en aide. Hein. S'il y a vraiment un gros malaise à quelque part, vous voulez en parler, n'hésitez pas, on est là pour vous chaque soir sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Je m'appelle Karel. Doc est avec nous, bien toujours sûr. Là, bien notre, sûr. Notre médecin urgentiste. Non, j'écoute, moi. Je suis à l'écoute de c'est, tout le monde. C'est l'homme qui murmure aux oreilles des auditeurs. Voilà. Cassim Alaria. Moi aussi, je suis médecin. Ah, un gros stéthoscope. Quoi? Non, lui, c'est le médecin, mais uniquement pour toucher recto et vaginaux. Ah, absolument. C'est ça. Je m'introduis partout. Notre infirmière, Alice. Pourquoi infirmière? Et pourquoi les nanas sont pas médecins, bordel? Oh merde! Non, je suis médecin. Je suis médecin. Elle a raison, parce que la profession s'est féminisée beaucoup. Bah, bien beaucoup, sûr. Beaucoup. Voilà. J'ai un petit problème au niveau de l'anus. Ah ouais? Oui. Bah montre-nous. Tu vas avoir droit à une fouille anale. Voilà, c'est ce que j'attendais, bien sûr. Ah voyez, c'est une émission où on s'amuse. Ah bah oui. Hein, et Cécile et Ryan au standard. Comment ça va au standard tous les deux là? Ça va. Ça va tranquille. Ça va. Ryan et Cécile sont restés à Ibiza. Je vous le dis tout de suite. Hein. Quoi? On est en mode vacances en ce moment. Je suis en short. On peut ramener un petit cocktail? Allez, on te ramène ça bien sûr et on va accueillir Marina qui est avec nous. Elle Salut. A 15 ans de Brest. Bonsoir Marina. Salut Marina. Bonsoir. Salut la Bretagne, ça va bien Marina, tu nous appelles pourquoi? C'est pour dire à ma meilleure amie en fait que je sors avec son mec. Ok. Oh non. Ah tu... Oui elle est cocu, bah oui. C'est ça? Ah oui, ah bah bon, oui. C'est ça. D'accord Marina, ça fait combien de temps que tu sors avec son mec? Ça fait un mois. Mais c'est pas gentil. Tu lui as piqué? Oui. Et il sort avec les deux en même temps? Maintenant il sort plus trop avec elle en fait. D'accord, et elle comprend pas en fait, elle doit t'en parler, c'est ta meilleure amie. Bah tu vas te débrouiller avec elle, hein. Bon courage. Bon, et à mon avis, il y a une amitié qui va se briser là. Alors, pourquoi tu nous as appelé ce soir? Parce que tu aurais très bien pu le faire sans nous appeler. Tu veux savoir un truc? Comment lui annoncer, c'est ça? C'est ça en fait. J'attends sa réaction. Il va falloir être franche, tout simplement. Il y a un moment donné où tu arrêtes de sortir avec lui. Ah, mais c'est pas ce qu'elle veut. Est-ce que t'es amoureuse surtout? Oui. T'es très amoureuse de lui. Oui. Ah, bah ça se commande pas. Elle peut comprendre. Si tu vas sur ce registre-là, si. Non, elle comprendra pas, Doc. Mais oui, ça peut se comprendre. Non, mais ça s'explique. Attends, c'est pas dégueulasse. C'est peut-être amoureuse. C'est complètement amoureuse. Si elle est complètement amoureuse d'un mec, bon, ça peut s'expliquer. Juste une question. Je me permets de la poser à une des filles de l'émission. Alice, est-ce que c'est un truc que t'aurais pu faire, même si t'es amoureuse du mec? Non. Je pense que si vraiment je suis amoureuse, t'arrives à un stade où t'en parles avec ta meilleure pote. À la limite, tu lui dis, bon écoute, je peux pas te le cacher. Je pense que lui, il me kiffe peut-être aussi, parce que ça doit être le cas, hein, s'ils sont ensemble. Bah oui. Mais je pense que voilà, même si t'es amoureux dans ces cas-là, bah tu dis les choses, mais j'aurais pas pu faire ça. Parce que dans tous les cas, tu te retrouves dans une situation où faut l'annoncer à ta meilleure pote. Quoi. Et dans ces cas-là, horrible. Il faut prendre la fuite rapidement et pas se laisser envahir par la relation. Cette fille, cette ta meilleure fait amie... maintenant. Elle s'appelle Marie. Faut que tu crèves l'abcès. On va l'appeler, tu vas lui dire, d'accord? Et nous, on est derrière et on va parler avec elle, d'accord? D'accord. Et bon courage, Marina. Merci. Angoisse. Oui, allô? Allô, ça va? Ouais, toi? Tu fais quoi? Oh, rien. Je regardais la télé. J'avais quelque chose d'important à te dire. Quoi donc? En fait, je sors avec ton mec depuis un mois. T'es sérieux là? Oui. Attends, ça fait pas là? T'es en train de dire qu'il est en train de me larguer pour toi? Oui. Putain, ça te confie là, sérieux. Mais sérieux, prends pas mal. Quoi? Attends, tu me prends comment là? Ma pote qui sort avec mon mec, ça fait un an que je sors, tu viens de ma pote qui se... Il me garde, il me... Putain. Sérieux? Oui. Et tu veux que je te dise amen, quoi? Non. Tu sais quoi? Je pense, tu le vois. C'est fini. Et tu dis pareil pour le PD, là. C'est toi qui sortais avec, hein. C'est toi qui nous a présenté. Bonsoir. Bonsoir Marie. Ça bonsoir. Chauffe, ça chauffe. Bah oui, ça chauffe. Avant que ça ne puisse plus s'éteindre, on va intervenir. Marie, t'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Bienvenue. Oh putain. Alors, c'est pas un canular. Comment okay. Il s'appelle? Attends, Marie, il s'appelle comment le mec? Julien. Oui. Bon, et c'est pas un canular, Marie, hein. D'accord? Donc c'est pas une blague en fait, c'est juste que voilà, Marina nous a appelé, nous a expliqué la situation, elle nous a dit ça va pas être facile à dire, j'ai besoin de vous. Ouais, on va poser la question à Marie. Tu t'es pas rendu compte de quelque chose, qu'il était plus là, qu'il venait moins te voir, t'as pas percuté là-dessus? Bah non, parce que il était parfois avec moi tout ça, donc. Il sortait avec les deux en même temps. Un peu. Salaud. Ouais. Bon, et Marina, t'as vraiment envie de rester avec ce mec? Oui. Parce que il a fait ça à Marie? Il te le fera peut-être aussi, Marina. Je sais. Oui. Bon, Marie, t'as compris que Marina était en plus très amoureuse de Julien. Putain, l'amour, vraiment, ça détruit tout. Tu es là, Marie? Elle pleure, Marie. Marie? Marie, elle est pas bien, Marie. Ouais, écoute, bon, voilà, c'est une trahison. En plus, associée à une rupture, ça fait beaucoup d'un coup. Est-ce que tu seras capable de pardonner Marie à Marina? Je pense pas. Il me faudra du temps. Bah oui, je m'en doute. Marina, tu acceptes cette décision? Oui. Bon, et ce serait bien de faire profil bas un petit peu là, et de la laisser. Du coup là, il y a quand même quelque chose dans cette affaire là. Il y a un mec, il est pas dans le lot là, parce que bon, il sort avec les deux en même temps, il est pas clair. Non, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, Marina, je suis pas sûr que le mec il soit hyper fiable non plus quoi. Je sais. Franchement, c'est ta meilleure amie, vous connaissez depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Depuis 4 ans et 10 ans. Depuis l'âge. On se connaissait un peu au collège, du coup. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Et l'amitié, c'est plus fort qu'un mec, hein, parce que t'inquiète que tu vas en changer de mec, hein, ça c'est sûr. Et lui, il va changer de nana. Mais ouais, c'est sûr. Marina et Marie, on va vous laisser un petit peu en antenne discuter. Je pense que c'est important. Ça vaut peut-être pas le coup de briser une amitié pour un mec qui. Qui s'amuse à sauter tout le monde du quartier, putain! Qui ne respecte rien. Bon, et on les laisse parler un petit peu là. Marie est dépitée, hein. Elle arrive même plus à parler. Adrien est avec nous, 17 ans d'Aurillac. Bonsoir, Adrien. Salut Karen, salut Doc, salut tout le monde. Bon, tu viens nous mettre un petit peu de bonne humeur parce que là, on a démarré avec un truc un peu tristounet, hein. Adrien, t'appelles pourquoi toi? Alors moi, j'appelle parce que j'ai une érection en pensant à un mec et je voulais savoir en fait si ça voulait dire que j'étais gay. Ah ouais, carrément. Ouais, est-ce que si je bande quand je vois un mec, est-ce que je suis homosexuel? C'est la question. Ouais. Bah, tu bouges pas, Adrien. On va s'écouter Galantis, ce que veulent les filles, le défi fallait pas demander. Et voici Galantis, no money. Galantis, No Money sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Bienvenue, hein, si vous venez de débarquer, c'est Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Le numéro pour nous appeler 01 42 48 5000. Ici, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. La preuve avec Adrien qui est avec nous. Bonsoir, Adrien. Salut, Carré. Salut, Doc. Salut, Adrien, t'es dans ta voiture hein? Non, du tout, je suis dehors. D'accord, ok. T'as 17 ans, t'es à Aurillac. Oui. Alors, t'appelles pourquoi? Alors moi j'appelais, c'était parce qu'en fait une fois j'ai été avec un mec et j'ai eu une érection et alors qu'on était juste tous les deux et en fait je me demandais si ça voulait dire que j'étais gay ou... D'accord, t'as eu une érection mais est-ce que t'as eu un désir sexuel? Est-ce que tu te voyais par exemple, en le voyant, est-ce que t'avais envie de rentrer en contact avec lui, de le toucher, de le caresser, je sais pas quoi d'autre? Ses fesses? Non, pas du tout. Tu regardais ses fesses? Tout, mais t'avais pas de désir pour lui? Non. Bon, et ah, il a bandé quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'excitait chez lui? Ses fesses. Ah, c'est une coïncidence. Ben, c'est une coïncidence, ça se trouve. Est-ce que vous parliez de nana à ce moment-là? Non. Est-ce qu'il y avait une photo de nana sur son bureau? Je sais pas ailleurs. Bah non, regardez juste la télé. Oui, bon. Quand tu regardes des vidéos porno, tu regardes des mecs ou tu regardes des filles? Des filles. Mais parfois, il y a des mecs. Oui. Ah oui. Hein. D'abord, l'érection, elle est venue. Visiblement, tu ne le désirais pas. C'est quand même qu'il faut que tu fasses bien la différence. Tu as effectivement une érection, ça, on est complètement d'accord. Sauf que tu n'as pas eu le désir. Tu n'as pas eu le désir de l'approcher, de le tousser, de le toucher ou de je ne sais pas quoi d'autre. D'accord? Donc, ouais. C'est là la grande différence, Adrien. OK? D'accord. Et en plus, sache qu'à ton âge, on a quand même des érections extrêmement souvent, parfois sans comprendre pourquoi. Tu n'en as plus, d'accord. Que Doc? Si j'en ai, tous les matins. Et ça marche tous les matins. Bien. Et j'en ai marre le visage de Doc qui plante une tente, etc. Tu sais. Sans déconner. Non, mais ça fonctionne chez moi très très bien. Ah oui, une bonne érection, matin, midi et soir. Ah, ça peut être la moitié de la nuit. Oui. Ah bah, tu sais quoi, on va appeler Katoche. Non, mais elle vient demain. Elle vient demain. Ouais. Ouais. Elle m'a dit oui. Après, on verra. Sans déconner, elle vient demain, mais elle sait qu'elle va faire de la radio avec nous. Ah oui, je sais pas, mais elle est timide aussi. Hein. Tu l'embêtes pas. Hein. Mais tu l'embêtes, je me fâche. Tu me connais. Oh, protecteur. Ah, c'est ça. Ouais. Attention. Il va me jeter son gant au visage pour me mettre au défi. Oui, le défi. Ouais, ouais. Bon, Adrien, t'es comme Doc. Tu bandes. Je t'enverrai RTL. Prendre le micro, tu vas pas être mal. Bah là, on n'ira peut-être pas jusque-là, je te le cache pas. Adrien, t'es normal, mon pote. Ouais. T'inquiète pas. Okay. Il nous est tous arrivé. Moi-même, j'étais dans la douche avec Cassim, je l'ai vu bander. J'ai un cul. Qu'en plus, il t'a touché les fesses. Mais bien sûr, mais il peut, mais entre potes. C'est normal, Cassim, il a des belles fesses. Ah bah oui. Tu l'as mis quoi? Non. Cassim Ateb? Ah, où ça? Bah, on y va. Hein. Allez. Non, mais surtout, Adrien, dis pas que Cassim a des belles fesses. Ou alors tu dis, il a des belles fesses toutes poilues. On les voit pas, quoi, c'est ça le problème. C'est ça le souci. Salut. Salut, Adrien. Salut. Ciao à toi. Dans un instant, c'est Liam, 14 ans de Montpellier. Bonsoir, Liam. Salut Karel, salut Doc, salut tout le monde. Salut Liam. On va prendre des news de Liam. T'étais passé dans l'émission et toi tu avais testé en fait le mec de ta sœur dans le sexy chocolat. Ah, voilà, ça. Oui, t'étais redresseur de tort. Ouais. Liam, il était énorme à l'antenne. On va écouter tout ça et puis surtout derrière tu vas nous dire qu'est-ce qui s'était passé et on écoutera David Guetta, l'hymne de l'Euro 2016, dimanche. Dimanche le match. Ah. France Islande. Ouais. On y croit. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Salut, c'est JB. Salut, c'est Adrien Thomas. Electrobeat. Adrien, du 14 au 16 juillet, Axwell Ingrosso, David Guetta, DJ Snake ou encore Hardwell, ils mixeront tous avec la famille Fun Radio à l'Electro Beach Music Festival. Et ce jeudi soir, tous ces DJ, vous allez pouvoir les écouter dans le Before Party Fun spécial Electro Beach Music Festival. Make some noise! La radio qui vous fait vivre les plus grands festivals électro, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu à un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Cet été, rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Tu as vu ? Je change lance son opération 10 jours pour tout changer. Mais changer quoi ? Énergie, internet, assurance. Sur 10jourspourtoutchanger.fr, il y a des offres exclusives pour réduire toutes ses factures. Et 30 euros en bon d'achat sont offerts pour toute souscription. Et en plus, Je change s'occupe de tout. Offre du 20 au 30 juin. Conditions sur 10jourspourtoutchanger.fr. 10jourspourtoutchanger.fr. Fun Radio présente Lumberjack. Samedi soir, au club 801 à Troyes.

David Guetta, Zara Larsson sur Fun Radio. A-t-il vraiment des sentiments pour vous? Sexy chocolat. Sexy chocolat. Lovin Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. C'est l'été, les vacances pour pas mal d'entre vous. Là, j'espère que tout va bien, que vous passez un bon début de soirée, 20h22 en direct hein, tous les soirs, et funradio.fr pour mater ce qui se passe ici dans les studios. On est filmé chaque soir sur Fun Radio. Et Liam qui est avec nous, qui nous avait appelé alors pendant l'émission pour faire un sexy chocolat. T'es là, Liam? Ouais, je suis là. Salut Liam. Alors Liam, il fait pas les choses à moitié. C'était pas un sexy chocolat pour sa meuf. Hein. C'est... Rappelle-nous, pourquoi t'avais appelé? Alors en fait, parce que le mec de ma sœur, j'avais beaucoup de doutes sur lui, puis je l'aimais pas trop honnêtement, et du coup je voulais un peu le tester, et bon bah il s'est avéré que j'avais raison. Ah, n'en dis pas trop, parce qu'on va réécouter. Réécouter, oui. On va réécouter, et derrière tu vas me dire ce qui s'est passé justement. On avait appelé le mec de ta sœur, hein, Marilyn. C'est parti, on écoute. On va lui proposer des chocolats érotiques à offrir à la personne de son choix. Oui, allô? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Aurélien s'il vous plaît? C'est lui-même. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous appeler Denis Chon au téléphone de la société Sexy Comment Chocolat. Denis. Denis Chon. Je vous appelle de là. Comment pas eu. Non, Denis Chon, hein, j'ai bloqué là-dessus. Ouais. Ah oui, bah c'est mon prénom. Hein. Je m'appelle comme ça. Je me permets de vous appeler, en fait, je fais partie de la chocolaterie Sexy Chocolat. En fait, on vient juste de s'installer à Montpellier. Ouais. Et pour se faire connaître, on se permet d'appeler comme ça quelques personnes pour leur proposer d'offrir pour 50 euros, donc c'est gratuit, hein, mais il y a pour une valeur de 50 euros de chocolat à la personne de votre choix. Et je vous avoue que depuis ce matin, j'en ai offert un bon paquet, personne ne m'a rien refusé. On a déjà fait quelques livraisons, est-ce que ça pourrait vous intéresser J'ai rien à payer, ouais. Alors, vous n'avez rien à payer. Et alors, écoutez, c'est quand même des chocolats érotiques. Ça, c'est ce qu'il fallait que je vous dise. Qu'est-ce que vous appelez chocolat érotique? Ce sont des chocolats, en fait, en forme de sexe. Ouais. C'est sexy chocolat, c'est notre concept. Et ça va marcher, ça? Ouais. Ah bah, écoutez, moi, mon patron, il croit dur comme fer. Hein. Moi, j'avoue que j'ai goûté tout à l'heure un chocolat en forme de tub. Je suis seul chocolat. J'avais l'impression d'être... voilà. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses sympathiques. Hein. On a des gaufres, des gaufres en chocolaté en forme de pubis. On a, on a aussi des godes en chocolat, des petites choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est très sexy, très sexuel. Bon, on va pas l'offrir à votre grand-mère, quoi. Ok. Vous m'envoyez ça à moi, alors? Alors, pas du tout. Je vais l'envoyer à la personne qui partage votre vie. Hein, la personne. Donc, ça peut être la petite amie, le plan cul, qui vous voulez. Ça reste anonyme, je vous rassure, hein, parce que j'ai déjà eu pas mal de... Oui, j'aimerais bien envoyer ça à ma maîtresse. Comprenez. Ah oui, donc on saura pas que c'est moi qui l'envoie, en fait. Non, pas du tout. Enfin, si. Ah, ok. Si, la personne à qui vous allez l'envoyer, moi, je vais mettre un petit message. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le prénom de la personne à qui vous souhaitez envoyer. Ouais. Et moi, derrière, j'écris un petit message. Enfin, c'est votre message. Ah, d'accord. Ouais, ok. On l'envoie à qui? Ouais, on va l'envoyer à Mélanie, alors. Mélanie. Ouais. Mélanie, d'accord. Ouais. Et quel est le message pour Mélanie? Bah, à très vite. À très vite, d'accord. Ouais. Ok. À très vite. C'est pas très très sexy, ça, comme message. Non, mais il y a marqué mon prénom hein, dessus. Alors, c'est d'où ça va venir. D'accord. Ok. D'accord, mais je voulais juste vérifier. C'est bien quelqu'un avec qui. Enfin voilà. Ah bah c'est mon. Enfin comme vous avez dit, c'est mon plan cul. Hein. Ah d'accord. Ok. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Je pense que vu les chocolats que vous m'avez décrits, ça peut être sympa, voilà. D'accord, ok. Bon bah écoutez, c'est parfait. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer mon responsable. Je vous passe Liam. Ouais, okay. Aurélien? Ouais. T'es sérieux? C'est qui là? C'est Liam, le petit frère de Marilyn. Tu te souviens qui c'est, Marilyn? Non, entre trois plans cul, tu bosses là-dedans, toi? Non, moi, je bosse pas le ton, ouais. Je suis pas comme ça, t'es sérieux? Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes là? C'est quoi ton délire là? C'est une blague avec un pote là que t'as fait là? Il n'y a pas de blague, moi je protège ma soeur, c'est tout, ok? D'accord, mais qu'est-ce que tu me fais chier là? C'est bon, ouais, t'arrêtes de faire ton grand là, allez, va jouer, t'es avec Marilyn là? Aurélien, t'es en direct. Je suis même pas avec elle écoute. Attends, Liam, je vais quand même lui dire, t'es en direct sur Fun Radio, Alors c'est vrai que... Attendez, on va se calmer là, vous êtes qui là? Karel. Oui, bonsoir. Non mais d'accord, et le gamin, Denis... il est... Liam, il est avec qui là? Il est avec qui Non, mais on ne séquestre pas Liam, ne t'inquiète pas. Hein. Il n'est pas pris en otage. Tu peux parler avec Liam tout seul? Oui, Aurélien. Marilyn écoute là. Marilyn écoute la radio là en ce moment. Attends, mais vous êtes en famille là? Oui, on est en famille, oui. Bah, tu sais qu'on est diffusé dans toute la France, c'est Fun Radio. Et là, c'est une grande famille, donc t'as raison, on est en famille, oui. Non, mais c'est bon, étant Marilyn, elle écoute aussi. Liam, c'est quoi sa connerie là? Bon, non. Putain, mais ça fait 3 mois qu'il me fait chier, lui, putain. Attends, reste calme. Aurélien, stop. Visiblement, t'as offert des chocolats avec une fille qui n'est pas la sœur de Liam, on est d'accord? On est d'accord, oui. C'est ton plan cul, tu le reconnais? Oui, je le reconnais, bah oui. Maintenant, tu vas devoir te débrouiller avec la sœur de Liam. Je ne sais pas sûr qu'elle accepte l'affaire. Non, c'est bon, mais elle va pas écouter. Eh ben, tu t'es fait niquer. Parce que c'est ça l'histoire. Putain, mais moi, ça me fait pas rien. Non, c'est pas drôle. Hein. Et la sœur de Liam, on l'a pas au téléphone, mais j'ai comme l'impression que là, à mon avis. Ça la fait pas rire non plus. Voilà. Putain, mais c'est quand même un fouille-merde, ton frère, là, depuis le début. Non, mais c'est bon, sans déconner. Eh, mauvaise foi. Liam. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux une PlayStation, Liam? C'est bon, c'est ça que tu veux dire? Bon, qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est tes conneries. Depuis le début, je sais, t'étais un blaireau. Oh, tu vas te calmer, mon revue. Pour qui il prend, là? Oh, je suis un adulte, hein, t'arrêtes tes conneries, là. Et bah, retourne jouer avec tes copains. C'est bon, là. Et quand t'auras 3 fois l'Ouzizi, tu viendras me parler. C'est bon, tu vas te calmer. C'est bien. La répartie de fou. Ah, il était trop fort, Liam, je me souviens. Il se démontait pas. Ah ouais, non. Là, on vient de réécouter, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le sexy chocolat. On prend des nouvelles avec c'est Liam. C'est combien de mois après, maintenant? Liam, c'était il y a combien de temps, ça? Il y a 3 mois. 4-5 mois, il me semble. Ouais, c'est ça. Et alors, depuis? Et alors, depuis, en fait, ma sœur, donc, qui écoutait le soir même, quelques semaines après ça, elle est revenue vers lui en disant « Ouais, je m'excuse. » Mais en fait, elle cachait un petit jeu parce qu'au final, ils se sont remis ensemble pour un mois et elle lui a fait le même coup derrière. Ah ouais, putain. Ouais. D'accord, donc elle s'est vengée, quoi. Elle est allée coucher avec un autre mec? Voilà. C'est ça. Elle a fait en sorte qu'il le sache. Donc, c'est-à-dire que elle a laissé les messages envoyés, etc., devant lui. Enfin, voilà. D'accord. Putain, quelle histoire. Et donc, ils se sont séparés, rassure-moi. Ouais, du coup, ouais, après ça, forcément. Et donc, vu que ça lui a fait très mal, je pense qu'il a compris, quoi. Et toi, Liam, t'es un beau parleur, là? T'as pas une copine, toi? Non, je suis en... Pas officiellement, on va dire. Ah oui. T'es en train de... C'est ça. T'es en train d'en draguer une. C'est une affaire en cours. On peut dire ça. Bah, mind-talk cul, là, c'est l'été, là. Mais justement, tu prépares les vacances, là. Ouais, c'est ça aussi. Bon, bah, tu feras un gros bisou à ta sœur Marilyn, qu'on embrasse fort. Et merci beaucoup, Liam. Tu sais que tu peux nous appeler si jamais tu voudras tester la fidélité de ta copine. Hein. Ok, bah, j'y penserai alors. Merci toute l'équipe. On sait jamais. Salut Liam. Salut. Ciao à toi, trop fort, Liam. Manon est avec nous aussi. Manon, elle est à Bordeaux. Bonsoir, Manon. Salut, Gareth. Salut tout le monde. Salut, Manon. T'appelles pourquoi, toi? Ben, en fait, moi, je voulais savoir comment assumer son corps en maillot de bain. Ok, et eh ben tu bouges pas, on va en parler là, dans un instant. Il y en a pas mal qui complexent, hein, sur le maillot. On va voir. Il faut voir aussi les trucs. Il faut lui demander quelques petits détails. Bah, tu bouges pas, Manon. Et en attendant, on va s'écouter Kung. C'est le nouveau d'ailleurs que vous découvrez sur Fun Radio. Il s'appelle Don't You Know sur Fun. I'm gonna rock your back. Don't I'm gonna ride your back. Take a chance. Tino sur Fun Radio. 20h, 22h. On parlera dans un instant avec Manon hein, qui complexe un petit peu sur son corps en maillot de bain. Mais juste avant, on lit vos messages sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Snapchat, c'est parti avec Alice. On a reçu un message de Léo qui se demande comment on attrape des poux. Par contagion. Alors, tu peux les attraper avec les autres enfants. Les poux vont sur la laiterie un peu partout, ça vit pas très longtemps, mais ça peut vivre suffisamment longtemps, et donc ça va de tête en tête comme cela. Et la moi j'ai une question. Les draps, les canapés et tout ça. J'ai une question, Doc. Non, parce que il paraît que quand on dort dans notre lit, il y a plein de poux, il y a plein d'acariens. Ça, c'est des acariens. Les acariens sont des micro-organismes. Mais quand tu mates un acarien au microscope, c'est un truc de dingue, quoi. Ah, évidemment, mais ça c'est sûr. Et qui se nourrissent de squam humain. De quoi ? De squam, c'est-à-dire de morceaux de peau morte que tu ne vois pas, mais il faut savoir que la peau se régénère en permanence. La peau est vivante. Ouais. Et donc, il y a toujours des couches de peau nouvelles qui apparaissent. Tu es comme une vipère, Doc. Des couches de peau, non, c'est une mue, ça c'est autre chose. C'est pas une mue. Je ne mue pas. Non, tu ne mues pas, je crois pas, non. D'accord. Et donc, régulièrement, la peau se régénère, donc il y a une élimination des peaux mortes superficielles, extrêmement discrètes, qui ne se voient pas, puis qui partent en général aussi sous la douche. D'accord. Et un autre message de Clara, je suis super fatiguée en ce moment, mais pourtant je me réveille tous les jours naturellement à 7h du mat. Comment ça se fait ? Un examen clinique, une fatigue inexpliquée, ça peut être plein de choses, bien évidemment, sans examen clinique, sans interrogatoire, savoir ce qui s'est passé, est-ce que vous avez attrapé un tic, je donne un exemple, est-ce que vous avez eu de la fièvre dernièrement, vous avez des troubles digestifs, vous mangez pas, est-ce que vous avez maigri, enfin bref, tout ça s'appelle un examen clinique, ça s'appelle effectivement, c'est une... Un bilan déjà qui est uniquement en parlant, et puis après éventuellement des bilans sanguins, bien sûr. Faut pas hésiter en tout cas. Manon, t'es là ? Oui. Salut Manon. Salut Manon. Salut. T'es à Bordeaux, t'es en vacances Manon ? Ouais. C'est bon hein, d'être en vacances. Ah ouais, surtout après le brevet. Ah, et t'es assuré ou pas ? Ouais. D'accord, c'est bien, c'est une bonne chose. Quand est-ce que t'as tes résultats ? Le 7 juillet, il me semble. D'accord. Oh putain, j'ai complètement oublié un truc. Ouais. Alice, elle a passé son code aujourd'hui. Oh. Alors, tu l'as eu ou tu l'as pas eu ? Eh bien, je sais pas, faut que j'attende 48 heures. Putain, donc, on verra. Je croyais que c'était instantané. Non, plus maintenant. Maintenant, t'es là, t'es tout seul sur ta tablette, t'as tes questions individuelles et au final, voilà quoi. Elle est pas très confiante. Mais non, j'aurais bien aimé par contre tomber sur la série du petit Alberto, là, il s'appelait Alberto, qui était devant moi et sa série était top quoi. Bon, moi par contre, j'ai un peu galéré, mais je ne sais pas, on attend, on verra. Ça nous amène à Manon quand même. Bah bien sûr. Tu pensais qu'on l'avait oublié. Sans oui, déconner. Attends, Manon, j'y pense Manon, jour et nuit. Tout le temps. T'es là, Manon. Menteur. Hein, alors, qu'est-ce que tu veux savoir, Manon ? Ben moi, en fait, je voulais savoir comment assumer son corps pendant l'été quand on est en maillot de bain. D'accord, ben, tu peux juste donner deux petits détails. Quels sont tes poids et tailles ? Ah, essayez tout de suite la poitrine. Je fais 1m47 et je pèse 50 kilos. D'accord, c'est pas dramatique. Tu n'es pas encore réglé, n'est-ce pas ? Si. Depuis quand ? Pas longtemps. Ouais. Voilà. Bon, peut-être que tu ne pas. Donc, ça s'appelle une puberté en cours. Tu as commencé pas forcément très tôt, et donc forcément, tu vas continuer à grandir. En grandissant, tu vas probablement mincir, c'est normal. Au début de puberté, je ne sais pas si tu es au début ou au milieu, si tu as tes règles, peut-être au milieu, mais c'est un peu normal. Donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, à ton âge, on a énormément de mal à accepter son corps qui est en pleine mutation, c'est-à-dire qui va de l'état d'enfant à l'état d'adulte. On pense qu'il est disgracieux, qu'on a des tas de choses qui ne vont pas. Et tu n'es pas la seule maintenant, donc c'est sûr que bon, tu as la pudeur qui te permet de cacher les parties de ton corps, ce qui t'aide un peu à exister, et je crois que ce soit, si tu veux un peu de culture physique ou des choses comme ça, ça t'aide un peu à prendre confiance en toi, mais c'est normal. Et les filles, elles mettent des paréos généralement Moi, je pense qu'il vaut mieux pas forcément te mettre en maillot de bain. Si t'es pas très à l'aise, tu peux te mettre effectivement un pareo, pourquoi pas. Sinon, okay, Manon, tu t'emmerdes pas, tu mets une combinaison de plongée, hein, comme ça. En plus, tu peux même faire pipi dans la combi. Hein, ah, mais ça non, tient on chaud. Fait pas ça. Bah, on a tous fait ça, ça va. Oui, mais c'est ce que fait Karel, en fait. On a tous fait ça. Bien non, sûr. Moi, j'ai fait de la plongée. Enfin, moi, j'étais un grand plongeur et tout, il y a quelques années. Et quand, ah ouais, quand j'allais à 200 mètres sous l'eau, bon, bah, voilà. Il faut quand même savoir. J'étais en apnée. Il faut savoir quand même, quand tu fais ça, tu vas dans des clubs. Donc tu mets effectivement une combine, tu pisses dedans et le mec après il se met dedans aussi. Hein. Bah oui. Hein. Donc regarde, tu mon mets nez dans la piste de l'autre. Avec mon nez j'arrive à retenir ma respiration, c'est un truc de dingue. Hein. Le tuba. C'est un tuba géant, c'est ça. Bon, Manon, est-ce que tu as autre chose à dire, Manon? Non. Qu'est-ce que t'assumes pas, Manon? Son corps. Ouais, non, mais son corps. Plutôt mon ventre. Plutôt ton ventre, mais toutes tes filles. Hein. Voilà, c'est un peu normal et tu vas peut-être mincir à la faveur de la puberté qui va se poursuivre. D'accord? Ouais. Bon courage, Manon. Manon, prends confiance en toi, ma chérie. Et puis ça va changer en plus. Ton corps va changer, d'accord? Il est okay. En train de changer. Ah oui. Un gros bisou, Manon. Salut, Manon. Okay. Salut à toi, Manon. Et... Je peux dire juste un truc? Ah, tu peux tout faire, toi. J'ai une amie qui m'a dit de dire à Alice tant mieux si elle avait réussi son permis. Alors, elle est en cours. C'est pas garanti. Bon, non, enfin, c'est bon. Pas sûr. On ne sait pas trop. Elle est en cours. Elle est on en cours. On croise les doigts. Et, puis... Et est-ce que je pourrais avoir une paire dédicacée? Ah bah oui, bien sûr. Oui. On va t'envoyer ça. Tu raccroches pas, d'accord, Manon? Okay. Salut, Manon. Gros bisous, salut, ma chérie. Et le chiffre d'Alice dans un instant. De quoi on parle ce soir, Alice? On va parler de la fréquence à laquelle les couples se disent je t'aime. Ah, ça, c'est mignon. Souvent, ça. Pas souvent. Voilà. Il y en a qui le disent plus que d'autres. Il y en a qui le disent qui plus. Il y en a qui le disent pas du tout. Et ouais. Oui, bien sûr. Il y en a aussi qui mettent vachement de temps à le dire. À le dire, ah, c'est vrai. On va en parler dans un instant. La pudeur. Vous allez tout savoir. 01 42 48 5000. On va revenir avec Justin Timberlake. Qu'est-ce que c'est bon ça, le tube de l'été, hein. Can't Stop the Feeling, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun. Amir, toi, je suis sûr que tu t'es déjà blessé de manière idiote. Ouais, au skatepark, une fois, on m'avait prêté un skate. Ouais. J'ai glissé l'espèce de langue et je me suis pété les deux poignets. Et genre, t'avais une team et tout au skate ou pas? Ouais, la team fragile. Ne bougez pas, les copains, on débarque à 22h avec du rire, des cadeaux, du sang dance floor et une côte de bœuf parce que j'ai pas eu le temps de manger, j'ai un peu la dalle. Marion et Anso, 22h minuit. Night Show. Sur Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Alice à une soirée karaoké mythique. Elle chante super bien. En deux notes, elle enflamme toute la salle, Alice. Mais moi, c'est Laurie qui me fait craquer. Elle chante complètement faux, mais c'est justement ça qui me plaît. Cet été, rencontrez-vous à l'une des nombreuses soirées mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Vous l'attendiez impatiemment. Aujourd'hui, enfin, il revient. Bonjour, bonjour les campeurs. Monsieur Chirac a demandé à l'accueil. Camping 3, face fête. Je vous rappelle les basiques. Ré, ici, pas de drogue. No stupefiante. Camping 3, une comédie de Fabien Doniente avec Franck Dubosc. Alors, on n'attend pas Patrick. Actuellement au cinéma. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. This is the sound of party. Fun. Mercredi soir, au Beach Club La Croisette, à Toulouse. Salut tout le monde, c'est Mikosé. Venez faire la fête sur le meilleur du son dance floor. En plein air, avec le DJ résident Fun Radio, Mikosé, qui vous mixera tous les tubes de Party Fun. La première émission dance électro en France le week-end. Party Fun Club by Mikosé au Beach Club La Croisette à Toulouse. C'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Plus d'infos sur funnight.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous avec l'appli Fun Radio Fun sur iPhone. Come on. Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Faire de bruit, aisance et élégance, yeah. Elle perturbe mes sens. C'est tous les soirs dans l'émission Le Chiffre d'Alice. Ce soir, c'est une spéciale amour. Ouais, on parle de love. Il y a un couple se dit en moyenne 5,3 fois je t'aime par semaine. 5,3 fois par semaine, c'est ringard. My love is brilliant. Pourquoi c'est ringard? Tu trouves ça trop? C'est pas assez. C'est pas assez. Oh, et donc en ce moment, toi, tu dois dire tout le temps je t'aime, toi. Dès que tu raccroches, à chaque fin de message. Tu lui dis quoi? Je t'aime, ma catoche. Non, je le dis pas comme tu le dis, mais je le dis à ma manière. Mais je et tu dis je t'aime à la folie. Non, je t'aime, ça suffit, parce qu'en fait, quand on aime tout, donc on n'a pas besoin de mettre de qualificatifs. Oh bah, si on l'aimait, c'est sympa aussi, non? Je t'aime tant, oui, peut-être. Je t'aime tant. Ouais, c'est le début, c'est le début, tu lui dis je t'aime tout le temps, et puis après tu vas te lasser. Je pense qu'on peut. Non, mes enfants, je leur dis je les aime. Oui, non, mais non, c'est pas pareil. Donc, oui, mais quand t'aimes quelqu'un, non, je pense qu'on peut aimer très longtemps. Oui. Moi, je suis du genre aussi à dire pas mal je t'aime. Après, peut-être pas autant que toi, Doc. Toi, j'ai l'impression que t'es vraiment à fond. Oui. Alors, 5,3, c'est quoi les 0,3, Alice? Bah, 5,3. Vous avez pas compris le principe d'une moyenne. Tu appelles les gens et c'est une moyenne, ouais. Bah oui, c'est une moyenne. Excusez-moi, j'essayais de faire de l'humour. Il y en a qui disent ça jamais, d'autres 2 fois, d'autres 20 fois, d'autres 50 fois. Bah voilà, donc c'est la moyenne. Bah, 5,3 fois par semaine, c'est pas mal, mine de rien. Non, ouais, mais ça veut dire qu'il y en a un paquet qui le dit jamais. Bah ça, c'est sûr. Vincent, t'es là ou pas? Ouais, je suis là. Salut toute l'équipe. Appelez-nous, là, 01 42 48 5000. Vous allez nous dire si vous dites souvent je t'aime à votre mec ou à votre nana. Vincent, toi, à Montpellier, tu dis beaucoup je t'aime? Ouais, ça dépend, oui, on va dire au moins une fois par jour, je pense que c'est important. Combien de temps t'as mis à dire je t'aime? Attends, à qui tu dis je t'aime? Ouais. À ma copine, Pas à ton chien, j'espère. Non. On peut aimer son chien. D'accord. Et t'as mis combien de temps pour dire je t'aime? T'es un mec qui dit je t'aime au bout de 30 secondes ou au bout de 2 mois? Ah ouais, non, plutôt au bout de 2-3 mois. D'accord. Il faut déjà savoir à qui t'as affaire. Mais ça peut faire peur. Bah, si tu dis je t'aime alors que tu connais pas l'autre, il faut que tu aies commencé à le découvrir, à savoir qui il est, et que tu commences à avoir des vrais sentiments. Si tu dis je t'aime parce que tu la trouves très belle, c'est je t'aime. Alors c'est très intéressant ce qui est dit là, parce qu'en fait il y a aimer, je t'aime pour ton physique, je t'aime pour ce que tu représentes, je t'aime parce que voilà, et ça c'est pas aimer, c'est comme on aime une bagnole, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça le problème. Alors que les vrais sentiments, ça nécessite des vrais échanges, des paroles, des convergences, des illuminations. Oh, l'autre, il a tellement à fond en ce moment, je le sens, quoi, dans son regard, quoi. Il pense à sa catoche. Ah, Alice, un mec qui dit je t'aime au bout de, 30 minutes. Oh mon Dieu! C'est pas possible. Ah non, 30 minutes? Mais attends, mais il te connaît même pas. Celui qui dit je t'aime en 30 minutes, il dit ça comme il dit je t'aime, j'aime le chocolat. J'aime tes seins, j'aime ton cul, quoi. C'est ça. Alors, je t'aime pour ta plastique. Voilà. Et ça, c'est aimer la poupée gonflable. Et celui qui dit je t'aime pour la première fois au moment de jouir. Celui-là, il est beau aussi. Hein. Ça veut juste dire. Il voulait le dire avant. Ah ouais. Non, du tout, ça veut dire j'aime jouir. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Non, toi, Vincent, t'es heureux, toi, en ce moment. Ah ouais, grave. Est-ce que elle te dit aussi je t'aime? Parce que c'est ça aussi. Parce qu'il y a la réponse aussi du je t'aime. Moi aussi. Ouais, il y a le je t'aime, des fois elle me le dit. Après, c'est vrai que c'est plus une complémentarité. J'en reviens à ce que dit Doc. Des fois, on n'a pas besoin de se le dire. On le sent, on le ressent. Mais c'est vrai qu'un petit je t'aime avant de commencer la journée. Ce que tu dis là est essentiel aussi. Parce que c'est beau de le dire, mais il faut le prouver. Exactement. Et le prouver, voilà. C'est par les gestes de la vie quotidienne, les attentions, le respect, parce que je pense qu'on peut pas aimer son respect. Si on respecte pas l'autre, c'est pas de l'amour. Exactement. C'est beau, Doc. Voilà, ouais. Moi, une fois, j'ai dit je t'aime à une fille, elle m'a dit merci, c'est gentil. J'étais un peu dégoûté. Tu m'étonnes. Sandra, t'es là ? Dit ça une ouais. Ferme, ouais, au supermarché, ça ? Salut ! Non, même pas, non, je te jure. Salut, Karen, salut, Doc. Salut. Sandra, t'es à Maubeuge. Est-ce qu'à Maubeuge, on dit beaucoup je t'aime ? Ouais, moi. Moi, je le dis souvent, mais je lui dis tous les jours. Tous les jours, tu lui dis. Hein. Ouais. À quel moment ? Tout le temps. Hein, dès qu'on s'écrit, dès qu'on se voit, quand on se voit, on n'a pas besoin de se le dire Je te comprends. Ouais. Et tu l'as dit à on se regardait. Ça fait un an qu'on se connaît maintenant et je l'ai rencontré le 18 mai et le 24 mai, je lui disais je t'aime, donc ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est rapide. Mais tu l'aimes toujours, c'est ça l'important. Ah bah bien sûr, ouais. Je crois que j'aime toujours. Cette espèce d'alchimie de bien-être que tu as quand tu es avec quelqu'un. C'est sûr que t'as envie de dire je t'aime parce que t'es bien. Mais carrément, et puis même le mot je t'aime, voilà quoi, ça explique en gros tout ce que tu ressens pour la personne. Et puis quand t'es mordu de quelqu'un, ben voilà quoi, tu lui dis je t'aime quoi. Est-ce que lui, il te le dit autant ? Il me le dit pas autant, mais regarde comme là, il sait que je suis en train de passer à la radio et juste avant, il m'a dit je t'aime ma princesse, tu vois, donc. Il me le dit, il me le fait comprendre. Un canard. le tireur fou des boîtes de nuit là. Parce que Cassim, le pointeur. T'as déjà dit je t'aime ou pas toi ? Ça sert à quoi ? Moi je peux baiser sans dire je t'aime. Hein. Oh là là. Oh, mais carrément non. Mais quel loser. C'est vrai. Ouais. Insulte-le Sandra, insulte-le. Ouais, bah ouais. Connard. Bisous à ton mec de canard. Ludovic, t'es là ? Oui, bonjour Doc, bonjour Karel, bonjour toute l'équipe. Bonjour Ludovic, est-ce que tu as déjà dit je t'aime à Clermont-Ferrand ? Oui, parce que ça fait 2 ans que je suis avec ma copine bientôt. Ouais. Et du coup, dès que je change de pièce, je lui dis je t'aime, je lui fais un bisou. Hein, dès que je pars, je lui dis je t'aime, je lui fais un bisou, tout le temps. Oui, t'as raison. Je ramasse les poubelles, je lui fais un petit bisou et je lui dis je t'aime. Ouais, mais c'est ça en plus, c'est ça. Ne noircis pas le tableau, je vais aux toilettes, je lui dis je t'aime. C'est ça, je fais un gros popo et je lui dis je t'aime. Celui-là, non, mais c'est vrai, en plus, dès que je change de pièce, je lui dis je t'aime. C'est une habitude comme ça. Ça doit être chiant. Oh, t'es relou, Ludo. Non, quand même. Non, non, payer ta copine, elle répond ou pas ? Est-ce qu'elle est comment ? Mais attends, c'est pas ça. Est-ce que tu lui prouves que tu l'aimes ? Ah oui, parce que. De quelle manière tu lui prouves ? Eh bien, parce que je suis quelqu'un d'assez romantique, on va dire, je sais pas. Est-ce que t'es jaloux ? Oui, pardon ? Est-ce que tu es jaloux ? Un petit peu, c'est normal, parce que je l'aime. Être jaloux, c'est pas aimer. Attention. Ouais. Oui, mais enfin jaloux dans la limite du raisonnable. Voilà. Après, je veux dire, elle peut aller voir des copains. Moi, je suis pas jaloux. Enfin, ça me dérange pas. D'accord. Après, c'est vrai que là, t'as l'air d'être un petit peu too much. Mais bon, pourquoi pas si vous êtes heureux comme mais ça. Non, mais si tu l'aimes et que tu. Mais après, oui, on est heureux comme ça. Je veux dire, après, elle, si c'est pareil. Et tout, on a pris cette habitude et voilà, on s'entend bien comme ça. Ouais. Si tu la laisses respirer, si tu la laisses vivre, si tu n'es pas. Oui, si mais c'est sûr. Après, voilà, dans la limite du raisonnable. Et vous vous appelez par un petit nom ou pas ? Oui, Doudou. Doudou, mon Doudou. Et Doc, ta Katoche, tu l'appelles avec un petit nom, toi ? Non, je dis mon amour, pourquoi ? Ah, t'en as pas d'autres ? Je suis sûr que t'en as d'autres, ça se voit. Non, je suis pas très diminutif. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, je n'infantilise pas les gens. D'accord. Donc, si tu lui donnes un petit nom comme ça... Tu peux lui dire ma princesse. Ça, je lui ai déjà dit, oui. Ma princesse. Ma duchesse. Ma reine. Priscilla, ma petite cochonne aussi, tu as dû lui dire. Oh, pardon. Priscilla, bonsoir. Tu vas aller, à gage. Tu vas aller prendre le micro d'RTL dans l'émission. Ah putain, bon, ça va, Priscilla ? Ça va bien. C'est Priscilla. Salut, Priscilla. Pardon, ma chérie. Salut, Karel. Salut, Priscilla. Salut, tout le monde. Salut. Priscilla, t'as 26 ans, t'es d'Épinal. D'Épinay. Ah bah putain, oh, d'Épinay, bah ouais, dans 93. J'ai tout faux ce soir. Dans le 9-3. Ah, t'as tout faux là, c'est pas possible. Écoute Priscilla, raconte-nous, dis-nous tout si tu dis je t'aime toi. Alors, moi je dis très peu je t'aime, mais mon copain encore moins. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble et la première fois qu'il me l'a dit, c'était il y a 2 ans. Ouais, est-ce que t'as l'impression qu'il t'aime et comment tu te rends compte qu'il t'aime ? Ah parce qu'il me le montre tous les jours, les petites attentions, enfin il a même pas besoin de me le dire en fait. Et je le vois, c'est comment il est avec moi, il est attentionné, il prend soin de moi. C'est vrai qu'il y a des familles où on ne dit jamais je t'aime. Et c'est bien dommage. C'est pas pour autant qu'on n'aime pas d'ailleurs. Oui, mais je t'assure que le dire, c'est important. Le dire à condition que ce ne soit pas pour se débarrasser. C'est je t'aime, fous le camp. C'est je t'aime, voilà, pour ce que tu es. Je t'aime parce que tu es comme ça, parce que tu n'es pas comme moi. Je t'aime parce que tu vis ta vie. Je t'aime parce que tu es heureux. Je t'aime, voilà. Mais je t'aime pas parce que tu m'appartiens. C'est ça qui est très important. Ouais, ouais, après, je préfère quand même avoir peut-être peu de je t'aime et qui me le montre tous les jours que plein de je t'aime et que ça ne suffit pas derrière. Ça peut être les deux aussi. Bah oui, ça peut être les deux. Mais c'est vrai qu'il y a des mecs qui rentrent chez eux, ils disent je t'aime à leur femme alors qu'ils viennent de sauter une gonzesse. Absolument. Voilà, absolument. Cassine, par exemple, c'est ça. Ah oui, non, il lui dit même pas je t'aime. Non. Non, je te disais tout à l'heure, ça sert à rien. Il s'en fout, mais t'as raison, t'as des mecs qui sont carrément hypocrites, qui vont dire je t'aime comme ça pour avoir bonne conscience et puis qui derrière vont se faire plaisir. Quoi. Et une heure avant, ils se faisaient sucer dans la bagnole. C'est ça. Eh ben écoute, on sent que t'as déjà vécu cette situation. Voilà. Non, moi jamais. C'est pas mon genre. Non, pas du tout. Bien sûr. Mais allez, je sais même que j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Oui, sur ta moto. Non plus. Priscilla, je te remercie beaucoup en tout cas. Eh ben de rien, au revoir. On te souhaite beaucoup d'amour avec ton homme. Pareil pour Ludovic, avec sa copine Samra. Ouais, Ludo. Juste un truc, je voulais juste passer une petite dédicace, c'est possible ou pas? Ouais, vas-y, bien sûr. Eh ben, je voulais faire un gros bisou à ma chérie que j'aime, qui m'écoute du coup en ce moment. Et je voulais savoir s'il y avait possibilité d'avoir une dédicace de l'équipe. Bien sûr, une dédicace. Tu veux pas lui dire que tu l'aimes, là, puisqu'elle t'écoute? Bah oui. Bah si, je t'aime ma chérie. Alors, soit, Cassim, il nous fait peut-être le canard, mais lui, il fait le connard. Oui. C'est rigolo. C'est magnifique, Doc. Bravo, un beau jeu de Doc. Il fallait la trouver, hein. Attention. Elle était pas facile. Ludovic, on t'embrasse fort. Merci, Sandra. Vincent, vous raccrochez pas toute la semaine. Vous savez, on réécoute les meilleurs défis Fallait pas demander de cette année. On se fait un kiff. Et ce soir, on va écouter celui de Mathieu. Mathieu, 14 ans de New York, avait demandé à sa maman, en fait, est-ce que ça fait du bien de se faire lécher l'anus? Imaginez un petit peu la réaction de la mère. C'était à mourir de rire. On se réécoute ça dans 3 minutes. Vous restez bien avec nous. C'est Love in Fun jusqu'à 22h et avec du son. Voici Imani, Don't Be So Shy. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Imani, don't be so shy. on peut parler de tout, mais pas n'importe qui. Oh, arrête de me demander des trucs comme ça, voyons. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. Toute cette semaine sur Fun Radio, on se réécoute tous les soirs à 21h, vu que c'est la dernière semaine là, avant les vacances de Love in Fun. La dernière semaine pour écouter les meilleurs défis Fallait pas demander de cette année. On se fait un kiff ce soir. On va écouter celui de Mathieu. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mathieu, 14 ans de Niort, qui nous avait appelé dans les Deux-Sèvres en fait et qui devait poser une question à sa maman. La fameuse question que normalement bah, jamais de toute ta vie t'oserais poser à ta mère. Hein. Genre celle-là. Maman, est-ce que ça fait du bien de se faire lécher l'anus? Écoutez. Oui, allô? Allô, maman? Oui. Oui, je voulais te poser une question. Oui. Est-ce que ça fait du bien de se faire lécher l'anus? Pardon? Bah mais oui. C'est quoi ces conneries? Mais papa, il t'a déjà laissé l'anus? Non, mais attends. Tu sais quel âge tu as? Oui. Non, mais tu sais pas goût? Ce genre de question. Non, mais tu te fous de moi ou quoi? Non. C'est à quel mais goût? C'est quoi cette blague? Pas une blague. Non, mais. Mais qui c'est qui te met ce genre de conneries dans la tête, franchement? Ça a quel goût? J'en sais rien, moi! Est-ce qu'on peut se faire péter dessus? Non mais, c'est quoi ces blagues à la mormoineux, là? Et on peut se retrouver avec du caca sur la langue aussi? Mais qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu? Non mais, tu comprends ce que je te dis, là, ou quoi? Maman, c'est hyper important, allez, vas-y, réponds! Non mais, j'ai pas à te répondre à ce genre de questions, on n'a pas à avoir une conversation comme ça! Je suis quand même ta mère! Et toi, t'as jamais mis ta langue dans l'anus de papa? Non. Un petit coup, fini, même pas? Non mais pas fini, là. Bah non, vas-y, réponds-moi, là. Oui, non mais attends, je sais... Écoute, je sais pas ce que tu fais chez ton père. Mais quand il va rentrer, on va avoir une sérieuse conversation, tous les deux. Et crois-moi, ça n'aura rien à voir avec le cul. Réponds. Je n'ai pas à te répondre. Non. Mais tu comprends bien qu'elle te dit non, elle va pas te dire oui si elle a envie de dire non. Bonsoir Fatima, bonsoir. Ah, bonsoir. Vous bonsoir. Êtes... Oh, quel galopin. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu? Mais oui. Ah bah ça c'est sûr. Vous êtes... C'est quoi ça? Bah vous êtes... Je m'appelle Karel, vous êtes en direct sur Fun Radio, dans toute la France. Ah, c'est... Ouais, c'est une grosse blague. Eh oui, tout à fait. Ah bah oui. Je suis pas un petit con. Ah bah un peu quand même. Ah bah si, non, mais tu me disais que t'allais appeler Bruno, pas Karel. Ah bah oui, bah si. Bah. Ah, c'est d'autres questions là, c'est pour payer les factures ça. Ah bah oui, là, nous on paye pas les factures nous le soir. Hein. Nous, non mais on fait des cadeaux. Non, on fait des cadeaux. Ah bah pour des cadeaux, pour un cadeau. En Fatima, vous allez pouvoir passer votre dédicace, mais d'abord j'ai une bonne nouvelle pour Mathieu qui repart avec sa tablette tactile. Ouais. Bravo. Ouais, bah allez, content Mathieu, hein, ça fait plaisir. Fatima, vous voulez passer un petit message, une petite dédicace? Oui, il va s'en prendre une bonne claque quand tu vas rentrer à la maison. Ah non. Alors justement, il ne recevra sa tablette que s'il n'est pas claqué. Ah non. Ah bah si. Oh, c'est pas vrai. Il me disait qu'il vous écoutait, mais je pensais pas qu'il allait... je savais pas ce que vous faisiez. Quel comme garde, moi. Ah, vous savez, quel galopin. Vous savez, Fatima, que nous, on répond à toutes ces questions-là tous les soirs, il n'y a pas de problème. Mais c'est mais ça, le défi. Mais avec le doc et tout ça. Bien sûr, ouais, je suis là, je suis toujours là. Je lui ai dit, t'as qu'à écouter ça. Ah oui, bah c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Oui, parce que Doc, un anulingus, ça existe. Hein. Oui, bien sûr, mais je pense que Fatima n'a pas envie de parler de ça. Oui, bah oui. Bah, on va raccrocher, on en parle. On peut en parler quand Fatima n'est pas là, par c'est exemple. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ok. Et bah, Fatima, on vous fait des gros bisous en tout cas. Elle est cool, Fatima. Ah, carrément. Très gentille. Et vous là, allez pas... là, je pense qu'elle a déchargé l'adrénaline. Vous allez pas raccrocher, on va vous envoyer un petit cadeau, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, quand même? Mince. Ah non, mais franchement, un enfant de 14 ans qui pose ça à sa mère. Ah bah oui, je comprends. Ah bah oui, mais c'est pour ça que ça nous fait marrer aussi en même temps. Hein. Ah ben j'imagine, oui. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils vous écoutent. Ouais. Bah merci voilà. Beaucoup, mais Fatima. Mais Mathieu, il faudrait mieux de poser la question justement au doc pour tes questions sexuelles. Hein. Ah bah il va appeler, il n'y a pas de souci. Oui, je vais lui répondre, vous inquiétez pas. Fatima, on vous fait des gros bisous, on vous envoie un petit cadeau, d'accord? Vous raccrochez pas. Merci, vous aussi. Gros bisous à tous. Salut Fatima. Et Mathieu, toi aussi, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Encore bravo à toi. Salut. Salut, merci. Fallait pas demander. Sauf à la team de Loving Fun. 01 42 48 5000. C'est Bilal au téléphone. Il est de Bourges. Salut Bilal. Salut Bilal. Ça va bien? Parle dans le téléphone, Bilal. On t'entend pas bien là. T'appelles pourquoi? Bah, j'appelle parce que ma copine, en fait, elle m'a dit que si je couchais pas avec, elle me larguait. D'accord, putain. Et t'as quel âge? J'ai 14 ans. Ah ouais, putain, c'est la première fois et que ça arrive. Elle a quel âge, la copine? Elle a 15. Ah, elle okay. a 15 ans, d'accord, ok. On va tout. J'ai on va... peur. Ah, mais généralement, c'est plutôt l'inverse. Hein. Ouais. Normalement, c'est bah plutôt ouais, les filles. Mais moi, là, c'est un blocage. Bah, tu bouges pas, Bilal, bien sûr. On a tous le droit de. Voilà, d'avoir des défaillances, d'avoir des petits blocages. Tu restes avec nous, on va t'aider. Et voici Justin Timberlake, comme promis. Can't stop a feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I should do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Timberlake sur Fun Radio, Can't Stop the Feeling. Jusqu'à 22h. Love it fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. 01 42 48 5000, le numéro pour nous appeler. Numéro gratuit, on vous rappelle derrière, n'hésitez plus. Et on lit vos messages sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est parti avec Alice. Oui, Alice. Un message de Daphné. Est-ce que c'est vrai que c'est pas bien d'aller se baigner juste après avoir mangé? Ça, c'est une bêtise. Mais connerie, l'hydrocution là. Oui, c'était arrivé avec l'empereur Barberousse qui s'était noyé comme comment ça. Comment? Après un immense festin. Barberousse? Oui, bah peu importe. C'est quoi ton histoire? C'est la vérité. Ah ouais, bon? Je sais que tu sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Ouais, t'as de la culture, c'est ça, Doc? Non, à peine. Tu m'impressionnes tous les soirs. Je sais que tu ne sais pas qui c'est. Alors, en fait, évidemment. Non. Non, Barberousse, mais bien sûr, c'est un grand navigateur, un pirate. Non, mais là, tu... Oui, bon, bref. En tout cas, l'hydrocution, c'est un choc thermique entre une chaleur externe très importante et une eau qui est plus froide. Voilà, c'est ça l'hydrocution. Que tu aies mangé ou pas mangé, que tu aies pris un repas, ton déjeuner ou ton dîner, c'est pareil. D'accord. Et un autre message de Robin, quels sont les symptômes d'une torsion testiculaire ? La douleur. Le testicule est coincé, il est remonté, il ne bouge plus, parce qu'on est mobile. Les garçons qui ont des testicules sur les palpes, j'espère de temps en temps, pour voir si ça bouge bien. Ah oui. Et c'est extrêmement douloureux et fixé. Et c'est une urgence parce que c'est. Voilà, la torsion est sur le. Sur les, l'artère, la veine, le nerf, et donc comme l'artère est coincée, plus d'irrigation, si on ne fait rien, ça meurt. Et c'est pour ça, les filles, il faut qu'elles comprennent que si nous, on se met les mains au paquet, c'est juste pour vérifier qu'on n'ait pas de torsion de testiculaire. Oui, il y en a qui vérifient trois fois par heure. Ah bah, c'est, oui, après, voilà, ça devient plus, un toc. Ça. Il y en a aussi qui se les grattent d'ailleurs. Bah oui, c'est un problème ça. Il y a des gens, ils ont tout le temps la main dans le calbut. Le problème, c'est pas de se les gratter, c'est de se les sentir. Ah, oh, mais c'est pas possible ça, de faire c'est... ça. Mais qui fait ça ? Bah le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Mais par c'est exemple. Un côté, c'est un côté très très adolescent, ce côté se toucher les parties génitales, le sexe qui a une odeur. Le sexe a une odeur. Et se renifler, c'est-à-dire se renifler une nouvelle odeur, puisque le sexe, lorsqu'il arrive à maturité, eh bien change d'odeur, oui. Bah, je préfère renifler des sexes plutôt que le cul de Ryan qui vient de péter dans le studio tout à l'heure. Franchement, il nous saoule. Il est chiant. Il est chiant. On a Bilal. Bilal. Oui, allô. Ah, Bilal, qu'est-ce qui t'arrive ? On cherche un nouveau standardiste, Bilal. tu as 14 ans, tu es de Bourges. Vas-y, raconte-nous là, pourquoi t'es là ? Bah, parce qu'en fait, ma copine, elle m'a dit que si je couchais pas avec, elle me quittait parce que j'étais trop coincé. Elle aime pas les mecs coincés. Moi, j'ai dit que je me sentais pas prêt. Elle me dit, bah, c'est pas grave. Tu peux au moins essayer. Moi, je veux pas, en fait. D'accord. C'est quoi ton blocage ? Bah, je sais pas, j'ai un blocage quand t'as commencé à se déshabiller, je peux pas. C'est bizarre. Mais tu es normal, non, attends, tu as 14 ans, tu ne sens pas mûr pour avoir une relation sexuelle, ne le fais pas. Alors elle fait ce qu'elle veut, mais bon, voilà, si elle est peut-être très amoureuse ou pas. Est-ce que tu l'aimes ? Bah oui. Ah oui. Ça va faire 6 mois qu'on est ensemble. Tu veux que je te dise une chose ? Si tu l'aimes, et si elle te quitte parce que tu ne couches pas avec elle, je peux te donner la réponse tout de suite. Elle ne t'aime pas. Ouais. Alors, Bilal, je sais, parce que j'ai un espion qui est chez toi, que ta copine est avec toi. Bah ouais, mais j'ai demandé, elle veut pas parler de toi au téléphone. Elle est où, là ? Bah, elle est en bas. D'accord. Est-ce qu'elle a déjà eu des relations sexuelles ? Bah, je pense, si elle veut coucher, normalement, ouais. Bah, faut pas sûr. Faut lui en parler, tu vois. Descends avec le téléphone, on va la chercher. Allez, descends les escaliers. T'habites dans un manoir, comme Doc ? Hein ? Non. Alors, tu descends, tu ne la passes, voilà, c'est tout. Allez, descends, Bilal, c'est un ordre. Allez, bouge. Dépêche-toi. Et ouais, cours. Je me dépêche. Allez, cours, vas-y. Cours, allez. Putain, on t'entend pas, t'es même pas essoufflé, là, Bilal. Fais un effort. Ça y est. Elle fait quoi ? Allô ? Allô ? On ne mord pas. Je suis sûr qu'elle a peur de toi, Doc. Mais non, mais ouais, je dis... Avec ta grosse tu lui mets l'appareil sur l'oreille. Putain, c'est une épreuve de Fort Boyard. Toujours plus loin, toujours plus haut. Mais pourquoi elle veut pas ? Elle a honte ? Non, mais elle a pas envie d'en parler à les boyards, les boyards, Vilaine, bon, alors, attends, les boyards. Je vais te dire une chose. Il faudrait quand même que tout doucement, elle accepte que tu t'éveilles à ta sexualité progressivement, oui. Et notamment par les jeux sexuels, peut-être pourquoi pas habillé dans un premier temps, mais que ça ne se passe pas comme mécaniquement, je me mets tout nu, j'ai une érection et on couche. Bah, les choses se mettent en place tout doucement. C'est ça qu'elle doit comprendre. En fait, okay, c'est ça, c'est petit à petit, quoi. Et là, ça va commencer par des jeux sexuels, embrasser, caresser. D'accord ? Bah, ça, on l'a déjà fait, mais après, quand t'as fait toute nuit, je peux pas. Mais pourquoi elle est. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est friante, elle est poilue ? Non, c'est l'inverse. Ah, mais tu bloques parce que t'as peur, c'est tout. Bah, oui, est-ce qu'elle t'a déjà touché le sexe ? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand elle te touche le sexe ? Bah, j'ai retiré la main, j'arrive pas. Ah, tu bandes pas ? Ah si, un petit peu, mais j'y enlève la main, je peux pas. D'accord. Bon, bah t'es écoute, pas prêt, si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Si elle a vraiment besoin de sexualité, elle ira voir ailleurs. Bah, ça voudra dire qu'elle t'aime pas, donc au final, toi, il faut que tu te sentes bien dans tes baskets. Hein ? Ok. Bah ouais. Bah ouais, Bilal. Donc notre conseil, c'est tu le fais pas tant que t'as pas envie. D'accord ? Bah oui. Bah voilà. Bah, j'espère que la muette a écouté. Ouais, exactement. Bah ouais, elle est à côté, là. Bon, bah tu l'embrasses très fort. Ouais. Salut. Salut, Bilal. Salut à toi, Bilal. Ah, c'est chaud quand même. Oui, c'est rare dans ce sens-là, mais ça arrive. C'est vrai. Rémi est avec nous. Salut Rémi. Salut Rémi. Salut, toi, c'est Thérèse, ça va ? Salut Rémi, t'es à Rubel, toi ? Ouais, c'est à Rubel. D'accord, t'appelles pourquoi, toi, Rémi ? Moi, j'appelle pour savoir comment on peut faire des bébés sans avoir le sida. Comment faire des bébés sans avoir le sida? Eh ben tu bouges pas. Et il y aura aussi ce que veulent les filles. Attention, grosse question. Et je rappelle que pour toutes les filles qui vont réagir, on a un beau cadeau puisqu'on vous offre des sextoys de la marque Lelo. Faites-vous plaisir les filles. Du plaisir à l'infini pendant tout l'été grâce à Love in Fun. Au bout de combien de temps, c'est la question, au bout de combien de temps peut-on faire comprendre à sa copine qu'on veut coucher avec? Ça, c'est la question. N'hésitez pas à réagir. Ouais. 01 42 48 5000. On va revenir avec Era Estrefi. Et bonne bonne. A tout de suite, c'est Fun Radio. Réagissez à l'émission sur Twitter. Hashtag Love in Fun. People of Tomorrow. Fun Radio vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas, Sunlight Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Dès que vous entendez Dimitri Vegas and Like Mike, mixé avec David Guetta, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland, du 22 au 24 juillet. Radio des DJ et des meilleurs festivals. This is Fun Radio, le son dance floor. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Fun Radio et Litchi vous aident à réaliser tous vos projets. Vous organisez des vacances, un anniversaire ou vous avez tout simplement un projet personnel. Créez votre cagnotte Litchi dès maintenant et rendez-vous sur la page Facebook Fun Radio pour tenter de gagner jusqu'à 1000 euros. Litchi.com, la cagnotte en ligne de référence, gratuite et sécurisée pour organiser toutes vos dépenses à plusieurs. Tous les soirs, 20h-22h, Love in Fun. Fun Radio. This is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chips to dun, dun, dun. Bun, bun. Then this is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chips to dun, dun, dun. King of the kiš. Vom drugu će mam u kore priše priš. Ja mun si, ja ma ane. Se kurv dof ne her. Erraï Streffy sur Fun Radio, bonne bonne. Si vous pensez au département du Rhône, quand on vous parle de 69, vous devriez peut-être écouter Loving Fun. 20h-22h sur Fun Radio. On se cache rien, on se dit tout hein, tous les soirs sur Fun Radio dans Loving Fun. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. On a Loïc. Salut Loïc. Salut Loïc, tu nous appelles dans le 78 vers Saint-Germain, toi, Loïc. T'as 15 ans. Là. Ouais, ça va l'équipe. Ça va pas mal. Ça va, oui. T'appelles pourquoi Loïc? Parce que en fait j'aimerais bien que vous me rendiez un super service. Ouais. Et en fait j'ai Brandon et Kylian, donc ce sont mes meilleurs amis. Brandon. Et... Ouais, d'accord. Oh, oui. Ah, tu l'appelles Brandon, pas Brandon. Brandon, oui. Enfin oui, enfin ça dépend, c'est son surnom. D'accord, Brandon. Et le mec s'appelle Brandon et son surnom c'est Brandon. C'est Brandon. Bah, c'est un concept. Hein. Ou alors qu'est-ce que t'as annoncé à tes copains? En fait, il y a 15 jours, j'aurais annoncé que j'étais un peu bisexuel, même si j'avais jamais eu d'aventure avec un garçon. C'est quoi être bisexuel? Comment? Ça veut dire que ça se manifeste comment chez toi? Parce qu'il y en avait un dans ma classe cette année. T'es un mec? Ouais, un mec qui m'attirait. Enfin, je me trouvais très proche avec lui et j'avais des sentiments, en fait. D'accord. Et après? Il y a des papillons dans ton ventre. Donc, plutôt une attirance homosexuelle. Mais t'as aussi des attirances pour les filles, pas vraiment? Oui, j'ai quand même des attirances pour les filles. Ah T'es déjà sorti avec une fille? Oui, plusieurs. Et quand tu te masturbes, tu penses des fois à des mecs ou pas? Oui, depuis que je connaissais... Donc Maxime, c'est son nom qui était dans ma classe. Ah oui, d'accord, c'est d'accord. Maxime. Bah, depuis, ouais. Et Brandon, quelque chose avec lui? Et Brandon, il t'excite? Non, les deux, justement, non. D'accord. Et eux, ils pensent que oui, depuis que j'aurais annoncé. Ils ont peur, en fait, que... Bon, on les appelle? Ce serait bien que vous les appeliez. Bon, ok, en fait, ils te font limite la gueule parce qu'ils pensent que t'es homosexuel, et du coup, t'es attiré par eux, sauf que ça n'a aucun rapport. Voilà, en fait... Ils m'envoient plus trop de messages et d'accord. Ils me disent pas où on se retrouve parce qu'on se retrouvait tous les week-ends. Et Loïc, t'as rien fait au final. Hein. T'as juste eu un petit sentiment pour un mec, quoi. C'est tout. Mais finalement, attends, la sexualité. Ouais, chacun, voilà, il s'est rien passé et eux ils le comprennent pas trop. En fait, y a pas de mal en plus. On appelle Kylian et Brandon. C'est parti. On commence par Kylian. Alors, on y va. On appelle Kiki. Je vais lui parler. Allô Kiki? Oui. Salut Kylian, ça va bien? Oui. Tu sais qui t'appelle? J'ai peut-être une petite idée sur la question. Ah, c'est qui? C'est pas Karel sur Fun Radio, pardon? Ah ouais, c'est moi. Et t'écoutais là? Ah oui, il écoutait. Non, parce que... j'étais en train de faire de manger. Et les gars, vous êtes en vacances là? Oh bah ouais, c'est cool. Ah, c'est cool. Alors qu'est-ce qu'il a, Loïc? Qu'est-ce qu'il a fait, Loïc, qui te gêne? Loïc, tu connais Loïc? Bah ouais, un de mes meilleurs potes. Et il a fait quelque chose qui te gêne? Bah, il nous a avoué quelque chose qui nous paraissait un peu... C'est-à-dire quoi? C'est bizarre, on était une bande de potes, puis quand il nous a annoncé qu'il était bi, ça nous a fait drôle. Ah oui, donc il était attiré par les garçons? Ouais. Mais tu le rejettes pas, tu lui parles quand même? C'est un peu dur à accepter. Hein. Bah, tu plaisantes. Il t'a pas demandé de coucher avec toi, quand même. Enfin, Kiki. C'est pas... Oui. Bon, attends. Et tu sais qu'on choisit pas, ça. Les attirances sexuelles des uns et des autres. Parfois, on a des gens qui ont des attirances pour les gens du même sexe. Tu vas pas le rejeter pour ça. C'est pas lui qui choisit. C'est comme ça. Non, c'est pas faux. Bah, Kylian, t'es jeune, en plus. Faux, voilà. Tu vas pas rejeter un ami parce qu'il a une sexualité différente de la tienne. Bah, d'un côté, non. Mais t'as pas touché le genou, pas touché le sexe. Il te trouve dégueulasse, il nous a dit. Il nous a dit, putain, Kylian, il est super moche, tu vois. Bon, après c'est mon problème, mais bon. Il se défend bien. Ouais, c'est vrai. Voilà, bon, Loïc s'est arrangé avec Kylian, on fait le suivant. On fait Brandon. Ouais. On a Brandon ou pas? Allez, on appelle Brandon. On appelle Brandon, c'est parti. Kylian, garde cette amitié, c'est quoi cette histoire? Bien sûr, là. On va pas juger quelqu'un sur sa sexualité, c'est quoi? Rejeter son pote comme ça, c'est dégueulasse. On appelle Brandon. Oui. Allô Brandon? Allô. Oui. Salut Brandon. Oui. Bah tu sais où t'es toi aussi, j'imagine. Ah oui, j'ai une petite idée. Ah, t'es où? Sur Fun Radio, c'est ça? Ah oui, ouais. Dans toute la France, et tu sais, et tu sais tout le monde écoute ce soir. Et en plus, tu sais pourquoi on appelle. Hein, ouais, pourquoi on appelle? Pour résoudre un problème qui est avec un ami, mon ami Loïc, c'est ça? Oui, ouais. Et qu'est-ce qui te gêne chez lui maintenant? Bah, c'est pas que ça me gêne tellement, c'est que bah, je me... toutes les choses qu'on a vécues, tout ça m'a un petit peu déstabilisé, etc. Donc, quoi, le fait qu'il te dise qu'il est attiré aussi par les garçons. Ouais, c'est ça, ça m'a déstabilisé. Mais tu leur jettes pas. Je sais pas trop comment le prendre et tout. Bah, tu le prends, si attends. Pas derrière, généralement. Oui. Non, c'est peut-être pas ce qu'il vaut. Non. Chacun a sa sexualité. On ne base pas une amitié avec quelqu'un en fonction de la sexualité. Il a la sexualité qu'il veut, entre guillemets, c'est pas lui qui choisit en plus, c'est au fond de lui. Donc tu vas pas le rejeter pour ça quand même. Très au fond de lui, oui. Hein? Ouais, mais après, on a vécu vraiment beaucoup de choses ensemble et tout. Pourquoi? Vous avez été touché? Je sais pas du tout s'il est attiré par moi ou pas. Mais non, Loïc, attends, Doc, Loïc, t'en as rien à foutre de Brandon et Kylian, ils sont dégueulasses. Mais n'importe quoi, non. Ah, tu les aimes? Tu t'aides pas là. Ils t'attirent pas, tu nous as dit. Un ami, n'est pas sexuel. C'est mes meilleurs amis. Bah oui, bah voilà. Brandon, jamais n'ai un truc sexuel avec eux. Il t'a pas demandé de coucher avec toi? Brandon. J'avais compris Brandon, Doc. Allez, Brandon pour faire ça. Il t'a pas demandé. C'est pas comme la sorte. Et bien sûr, et il t'a pas touché une quelconque partie de ton corps? Non, aucunement. Alors, garde-le en ami, ne le juge pas. Bah oui, c'est n'importe quoi. C'est pas parce que t'es ami avec un homosexuel qu'il faut coucher avec. Hein. Bah oui. Ok. Non, mais ouais. Tu couches pas avec toutes les filles que t'as en pote? Ah bon? J'en connais certains qui diraient pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a pas de problème. C'est pas parce que c'est le sexe opposé. C'est pas parce que t'es pote avec une fille. Bien c'est sûr, pas parce qu'elle est du sexe opposé au tien qu'elle attirée par toi. Je vais vous dire. La réaction de Brandon et Kylian est très intéressante parce qu'en fait, les c'est gens. Kylian maintenant aussi. Ah oui. Kylian. À l'anglaise. Oh, super. Tu bon peux alors. Dire Kylian, mais Kylian c'est mieux encore. Ouais. Ouais. Ça donne une petite sonorité américaine. Vous êtes dans une situation où effectivement, quelquefois à votre âge, vous vous sentez interpellé, voire dans votre sexualité, comme si on vous demandait d'être homosexuel. Non, pas du tout, faut pas... Voilà, quand on a une appréhension comme ça, c'est qu'on a aussi peut-être au fond de soi des petites interrogations, donc on peut être déstabilisé, mais voilà. Et y a pas... Vivez votre sexualité comme vous voulez. Je pense qu'ils ont compris le message. Et J'espère bien. Mais bien sûr, ça va revenir, Loïc. T'inquiète pas. En plus, on a fait ça, là. On a mis les choses à plat, là, sur Fun Radio. Mon Loïc, tu me tiens en courant. Bah, y a pas de problème. Loïc. On va te repasser Brandon et Kylian. Kylian. Salut les mecs. Salut. Ciao. Bonne soirée, Fabien. Fabien est avec nous. Fabien Melun. Salut, Fabien. Salut, Fabien. Salut, Doc, Karel. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, salut. Fabien. Tu nous appelles pourquoi? Bah en fait voilà mon petit problème, la nuit je me masturbe devant ma copine et qu'elle me raconte ça c'est que je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Ah dans ton sommeil tu te masturbes? Ouais putain carrément quoi. Plastique. Genre c'est un somnambule qui se masturbe. Et ben on en parle après Jonas Blue, Perfect Strangers. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. Yeah. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you. Who knows the secret tomorrow will hold? Jonas Blue sur Fun Radio, Perfect Strangers. 20h, 22h. 0 à 42 48 5000. Avec Doc et Karel sur Fun Radio. 0 à 42 48 5000 le numéro de téléphone. Tout à l'heure, il y aura des sextoys de la marque Lelo à gagner pendant l'émission. Il suffit de réagir au ce que veulent les filles. D'ailleurs, ce soir, c'est quoi le ce que veulent les filles, Alice? Eh ben, la question. Alors attends, je ne sais plus moi ce que c'est le ce que veulent. Ah ben, je savais plus non plus. Bah ouais, c'est pour ça que tu me refiles le bébé. Ah bah, du coup, je me suis dit, Alice, elle va savoir. Alors. Ali... Attends. Ah, je sais plus, en fait, on sait plus. Oh bah voilà. Ah, c'est, ah ça y est, si, mais ça bien me revient. Sûr. La question qu'on se pose, c'est au bout de combien de temps on peut faire comprendre à sa copine qu'on veut coucher avec elle. On sent que c'est la fin de saison, bah, on est fatigué. Bah oui, on a mais tellement de questions aussi. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. On nous appelait là, 01 42 48 5000. En attendant, on va accueillir Fabien de Melun. Bonsoir Fabien. Salut. Bonsoir. Fabien. Bonsoir Fabien, bienvenue dans le Vinfun. Alors raconte un petit peu là, pourquoi tu nous appelles, ça se passe la nuit je crois. Oui, tout à fait. Ben, en fait, je fais des sortes de crises de somnambulisme. Oui. Et déjà, de base, ma copine me raconte que je me masturbe déjà énormément. Oui. Et une fois, elle m'a dit que je me suis masturbé devant elle. Je me suis mis debout, les yeux grands verts, avec un sourire de gogol. Somnambule sexuel. Oui, un petit peu, c'est un petit peu bizarre et je voulais savoir, bon déjà, est-ce que c'est normal? Et s'il y a des choses est-ce à faire. Est-ce que tu éjacules en même temps? Non, apparemment, j'ai pas été jusqu'au bout, mais elle m'a dit que ça avait duré quand même très longtemps. Ah ouais? Ah donc elle a regardé. Est-ce qu'on peut réveiller un sexambuliste? Ben, je sais pas. Non. Il paraît que c'est dangereux. Hein. Oui, ni dangereux ni pas. Voilà, ça va passer. Et tu faisais ça, tu fais ça toutes les nuits ou pas? Ben, très régulièrement. Après, là, ça fait peut-être 6-8 mois où ça devient de plus en plus intense. Mais dis-moi, t'as des relations sexuelles avec elle? Oui. Oui, non. Ah, c'est un petit voilà, peut-être un début d'explication. Pourquoi t'as pas de relations sexuelles avec elle? Bah en fait, c'est compliqué. Ça va faire 8 ans qu'on est ensemble. Ça fait 8 ans qu'elle est malade. Elle a quoi? Elle a une péri-artère tenoise. Ah au oui, niveau ça, c'est embêtant sur les artères. Digestive. Donc, elle a eu 3 perforations de l'intestin. Elle a eu une idéostomie du cou parce qu'il ne lui reste que 70 cm d'intestin grêle. Elle a amputé de la moitié du pied droit et une partie du pied gauche. Alors, mais du parce coup, que ça touche les artères. Je vais dire ça. C'est quoi cette maladie, Doc? C'est une maladie chronique, enfin, en tout cas, qui était, effectivement, est assez invalidante. Voilà. Ah ouais, voilà. Ça. Et c'est ce que tu décris, parce que ça touche aussi les vaisseaux, les artères, d'où l'amputation et les atteintes du tube digestif. Bon, ça, on comprend, donc on imagine que tu es dans une certaine souffrance, surtout elle, dans une certaine souffrance. Parce que la relation sexuelle, dans ces cas-là, n'est pas simple, vu. On n'est pas très disponible parce qu'on est très fatigué, des choses comme ça. Ça peut expliquer qu'effectivement, tu as une tendance masturbatoire dans ton inconscient, en tout cas quand tu dors. Qu'est-ce qu'il peut faire alors, Doc, du coup Pas grand-chose, parce que le somnambulisme, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Mais comment vous gérez... Enfin, bon, je suis d'accord, elle n'a pas envie du tout, n'est-ce pas? Si, encore, il y a une grosse période où pendant 1-2 ans, où on ne se touchait quasiment pas parce que ce n'était pas possible. Là, il n'y a que vraiment quelques temps où ça s'est quand même amélioré. On arrive plus facilement, oui et non, parce que avec de nombreuses opérations, quand on le fait, c'est comme si c'était presque la première fois à chaque fois, si on ne le fait pas souvent. D'accord. Je comprends très bien, mais ça, si tu veux, voilà, tu l'aimes en plus. Hein. Oui, bien sûr. Et ça, c'est formidable parce Bien sûr. J'imagine que la pauvre... Il faut l'entourer à fond, hein, ça, c'est sûr. Mais Fabien, on est de tout cœur avec toi, mais moi, j'ai pas de solution miracle pour cela, sauf que de te dire que c'est pas très grave, quoi. Bah oui. C'est vrai, ça. Très bien. C'est pas grave du tout. Il y en a qui le font même sans être somnambule, hein, ouais. Se masturber comme ça. Mais l'hypnose, je crois que ça peut gérer ce genre de choses, la sophrologie, l'hypnose, oui, ça peut vachement aider par rapport à tout oui, ça. Oui, mais c'est pas. Voilà. En même temps, il y a des besoins, des désirs sexuels qui ne sont pas arrivés. Ça oui, mais en tout cas, ça gère le côté somnambule. Après, qui se masturbe, c'est autre chose. Oui. Éventuellement. D'accord. Ok. Bah, tant que je cherche pas à la violer la nuit, oui, ça me va. Oui, bah oui, on va peut-être pas aller jusque-là. Kassim, ça t'est arrivé, toi? Ah oui, mais moi, ça m'arrive souvent. Et la dernière fois, je me suis retrouvé avec un nez dans un cul, quand même. Pendant que je dormais, en fait, je me suis réveillé, j'avais mon nez, enfin, j'étais en train de lécher un cul, quoi. Ah bah, si. Et elle dormait? Bah oui, et du coup, enfin, non, je l'avais réveillé. Et du coup, elle kiffait, donc on continuait. Et en fait, je me suis réveillé en mode, en fait, je croyais que j'étais en train de rêver. Ouais. Et je me suis réveillé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'avais mon nez dans son cul. D'accord, ok. Ah merde, sans non, déconner. Mal. Putain, Fabien, t'as encore des progrès à faire pour atteindre le niveau de Cassim, hein, je te le dis. Hein, comme quoi, hein. Oui. Je vais essayer de le battre. On te fait une grosse bise, Fabien. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Salut à toi, ciao. Fabien, et bon courage à toi. Gabriel est avec nous, 16 ans de mots pour ce que veulent les filles. C'est toi, Gab, qui veut poser la question là ce soir, hein. Ouais, c'est moi, ouais, voilà. Alors, tu veux savoir quoi, toi? Alors, en fait, moi, je voulais savoir comment peut-on faire comprendre à sa copine qu'on a envie de faire l'amour. Ah, ouais, t'en peux plus, Gabriel. Hein, c'est... Ah, ouais, là, j'en ai ras le bol. D'accord, et pourtant, il y a des signes comme ça qui montrent que t'as aussi, envie. Il y a aussi des choses qui se font progressivement et naturellement. On écoute Initampa. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell I'm a rap. Yeah, boss that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can cause I can. Go low, go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them at the polo. Now I'm with the man them at the polo. I can make your honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. But the girls like, that's me, man of the year, I'm fleeky. Had a couple man won't be me, them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity doubt. I was getting booked before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, everybody go low. Since she want me, she don't want a cocoa. So I made a single back like she want my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black Nokia, it's a Rocco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. But the girls like, he's not my guy, he's a friend. Better pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it goes like, every day you ride with your friends. But it goes like, I don't need your money for my rent. But it goes like, 8.9, I'm a 10. But it goes like, call to your Wi-Fi again. It goes like, pas Zara Larsson sur Fun Radio, Girls Like. À quoi pense-t-elle? Lovin Fun et Girls.fr vous disent tout. Ce que veulent les filles dans Lovin Fun. Avec Gabriel qui est avec nous ce soir dans le Ce que veulent les filles. D'ailleurs, les filles, si vous voulez réagir, hein, il y a des sextoys de la marque Lelou à gagner au standard. Hein, 01 42 48 5000. Alors, Gabriel est avec nous. Salut Gabriel. T'as 16 ans, t'es de où, Gabriel? Ouais, voilà. Pourquoi t'appelles, Gabriel? Bah en fait, moi, je voulais savoir, au bout de combien de temps peut-on faire comprendre à sa copine qu'on a envie de faire l'amour avec elle? Non mais attends, c'est pas une recette. C'est pas un mode d'emploi. Alors, pour niquer... C'est quelque chose, je sais pas, c'est simple. Quand t'es avec une copine, tu vois bien jusqu'où tu peux aller. Ouais. Et c'est progressivement, tu couches pas. Bon, allez, demain, 16h, on couche ensemble. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a plein de mecs qui sont pas fins, tu sais, qui se collent à leur nana une érection sur les fesses. Voilà. Oui, c'est d'une... Oui, bien sûr, oui. C'est pas terrible ça par exemple. Alors, en revanche, aux États-Unis, c'est vrai que si tu ne demandes pas à quelqu'un s'il veut coucher avec toi, quoi, tu peux être accusé de viol. Mais non. Ah oui. Genre, s'il te plaît, est-ce que je peux te faire l'amour? Oui, elle doit dire oui. Elle doit dire oui, sinon c'est un viol. Elle peut t'accuser de la coucher avec moi, je n'avais pas dit oui. D'accord, donc il y a, oui, c'est un peu con. Hein. Je sais pas, ça peut se faire comme ça sans demander. C'est une façon de procédure. Oui, mais ça se fait. Le désir s'exprime autrement que par les mots, évidemment. Comment tu t'y prends, Gabriel, pour lui faire comprendre justement? Parce qu'a priori, t'as déjà essayé, non? Non, j'ose pas essayer parce que j'ai peur qu'elle me prenne pour un pervers et qu'elle quitte. Non, il faut lui demander, c'est tout. Alors, tu sais que la perversion, c'est effectivement utiliser des stratagèmes pour arriver à ses fins. C'est-à-dire lui raconter un bobard ou mettre quelque chose dans son verre, une connerie comme ça. Voilà, ça c'est extrêmement. Mais, ah, tu vas loin, Doc. Du GHB, quoi, carrément. Oui, ça existe. Ah, oui, c'est la drogue du viol, ouais. Bien sûr. Et GHB et d'autres drogues encore. qui sont assez, assez terribles et terrifiants. Enfin bref. Mais Gabriel, il faut en parler, ouais. C'est tout. Où t'en es avec elle? Est-ce que tu la caresses? Est-ce que tu touches le sexe ou pas? On est plutôt bon baiser avec la langue dans la bouche et tout. J'ai déjà touché 2-3 fois ses airbags. Ah, et... airbags. Est-ce qu'ils se sont déclenchés les airbags? Ouais. Alors, en touchant ses airbags, ça m'a déclenché une érection. Oui, oui, mais elle, est-ce qu'elle a eu du plaisir? Je sais pas. Honnêtement, voilà, je sais pas. Et est-ce qu'elle t'a touché, toi? Moi, je pense qu'elle a envie, mais j'ai l'impression qu'elle a pas osé me demander. Tu fais tes petits gestes, tu descends doucement et tu lui dis ce que je peux, tout simplement. Ça, c'est un peu bizarre. Est-ce que je peux te lécher la chatte? Non, peut-être pas dire les choses comme ça, mais. Voilà, et à un moment donné, tu vois bien. Puis en général, une fille qui veut pas, elle t'enlève la main, elle te la retire. Enfin, bref, tu vois. Alice, toi, comment est-ce que les mecs te font comprendre que voilà? En général, quand il est dedans, je savais qu'il en avait envie. Ah oui. Non, mais je sais pas. Enfin, pas envie. Si moi j'ai pas envie, moi quand c'est j'ai ça pas, qu'il veut savoir. Quand j'ai pas envie, ça se ressent direct. Hein, je me retourne, je te souhaite une très bonne nuit et puis, attends, Alice, t'es avec un mec, ça t'est arrivé? Bah oui. C'est la première fois, t'es jeune et il y a un mec. Comment tu lui fais comprendre ou pas que t'as envie ou comment tu le remballes? Bah tout simplement, tu poursuis pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'arrêtes à des bisous et c'est ce que je disais. Tu te retournes, tu t'endors et puis voilà. Bye. Après, c'est difficile quand on est jeune de dire à quelqu'un j'ai pas envie ou je suis pas prête. Donc on essaie de contourner un peu le truc comme on peut. Bah, je pense qu'elle est pas prête, la copine de Gabriel. On va accueillir Morgane qui est avec nous. Morgane, 22 ans de Nancy. Salut Morgane. Salut Morgane. Salut tout le monde. Bonsoir. Salut. Morgane. T'as entendu Gabriel? Il te pose cette question. Au bout de combien de temps, ton mec a réussi à te faire comprendre qu'il voulait faire l'amour avec toi? Comment est-ce qu'il s'y est pris en fait? C'est ça, hein, surtout la question. Bah après bon, c'est un truc qui se prévoit pas quoi, mais c'est vrai que comme lui, ça a commencé par des câlins, tout ça, des trucs assez assez tactiles et tout, voilà. Puis il était vachement proche, tout ça. C'est vrai que moi, bah au début, ça me disait pas quoi, donc je le repoussais un peu comme elle fait Alice quoi, je me retournais, je partais dans une autre pièce, tout ça quoi. Ça se voit direct quand une fille. Quand est-ce que t'as été prête alors? Moi, ça s'est fait au bout de 2 semaines. Ah oui, ah quand même, c'était pas très simple. Est-ce que ça s'est fait progressivement? Qu'est-ce que t'as permis pour que ça puisse se faire? T'as permis des caresses intimes? T'as permis quoi? Il a commencé par des caresses, des trucs comme ça. Du coup, après, moi je me suis ouverte à lui, quoi. Ah oui, c'est le cas de le dire, absolument. est-ce que aussi dans la foulée, tu l'as touché? Pas tout de suite, j'ai eu un peu plus de mal. Mais c'est vrai qu'au début, il y a une petite pudeur comme ça, tu découvres le corps de l'autre. On a plus tendance à passer direct à la pénétration et après oser seulement faire les préliminaires, ce que j'appelle préliminaires. Toucher le sexe du mec. Bah voilà, direct, on fait d'autres sortes de préliminaires, quoi. Mais pas tout de suite fellation cunie dès la première fois. En général, c'est un peu chaud, quoi. Là, c'est jackpot, là. On n'ose pas, quoi. Mais non, mais franchement, on n'ose pas. Faut avoir plusieurs rapports avant pour oser en arriver là. Bien sûr, la découverte de la sexualité à deux, en tout cas, c'est vrai que c'est progressif, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est découvrir son intimité. Il y a une pudeur. Il y a plein de choses, puis vous s'habituez au corps de l'autre. Donc, allez trop vite, Gabriel, surtout pas. Manon, t'es là, Manon? Oui. Bonsoir. Coucou tout le monde. Bonsoir. Salut. Manon, t'as 25 ans, t'es à Avignon, toi? Oui, tout à fait. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que t'en penses, toi, à la question de Gabriel? Moi, je pense que ça dépend de l'âge de la fille, déjà d'une, combien de temps ça fait qu'ils sont ensemble. Et après, malheureusement, si c'est sa première fois ou pas. Si c'est sa première fois, il ne faut pas trop la brusquer, il faut attendre que ce soit elle qui vienne. Et si elle l'a déjà fait, après, il faut faire des bisous langoureux, quoi, qui disent tout, quoi. Bah bien sûr, de toute façon, qui suscite une excitation chez la fille, hein, d'accord. Nous, les mecs, généralement, on a tout le temps envie, hein. C'est vrai. Oui, mais après, c'est nous aussi, on a beaucoup envie, mais on n'ose pas, nous. Nous, on est plus pudiques, les filles. C'est pour ça qu'on essaie de venir vous chercher, mais souvent, on s'y prend mal. On ne sait pas trop comment faire, en fait. Le mec qui arrive, il bande, t'as tout de suite compris. C'est une réaction, quoi. Les garçons sont gauches. C'est vrai, on n'est pas à l'aise, tu vois. En même temps, c'est vrai, Alice a raison. Et aussi un peu bourrin, parce que, attends, quand on est jeune, et les garçons en particulier, il y a quand même un désir assez important, et souvent, les garçons ont envie de se libérer de cette tension, et en pénétrant et en jouissant. Et Gabriel, elle a quel âge? Elle a 17 ans. D'accord, et elle l'a jamais fait, elle est toujours vierge. Je sais pas, je sais qu'elle était avec un autre mec. Gabriel, faut en parler, faut se parler quand t'es dans un couple. Ah oui, faut beaucoup parler. T'as sans déconner, vous êtes jamais posé cette question-là? Est-ce que t'as déjà fait l'amour? Non, ça commence par là déjà, quoi. Ça commence par discuter, pas, se dire les choses franchement. Mais, quoi. Mais tu discutes pas quand t'es en pleine action, tu vois. Bah ouais. Si t'as pas osé lui demander, comment tu veux oser la pénétrer, quoi. Tu l'invites au flunch et tu lui en parles. Ah, le flunch. Une petite barquette de frites, là, tranquille. À volonté. À volonté, mon poteau. Hein. Et, okay. Et là, tu vas enchaîner. Et t'essayes pas en commençant en disant que t'as très très envie, parce que ça marche pas, ça. Voilà, c'est ça, Gabriel. On le fera quand tu seras prête. En tout cas, voilà, moi, je te désire. Hein, c'est pas mal. Salut Gabriel. Ouais, c'est possible Gabriel. De passer une dédie oui. Vas-y Gab. Alors je passe une dédie à Jessie, Léa et Bettina. Et aussi du coup j'ai un mouvement demain, donc je vous apporte des paquets de chocobons. Ok. Ah, venez voilà. Venez demain. Viens dans le studio demain. Ouais, c'est porte ouverte. Porte ouverte demain, 20 rue Bayard à Paris, dans le 8e arrondissement. Ouais. Si vous venez avec des chocobons, bien sûr. Si vous n'avez pas de chocobons, vous ne rentrez pas. Je vous le dis tout de suite. Morgane et Manon. Salut. Oui. Les filles, on vous envoie des godes. Super. Vous allez passer un bel été, les filles, de la marque Lelo, super. Les meilleurs sextoys de la planète. Gros bisous, super, les filles. Merci beaucoup. Salut. Gros bisous, salut. On vous embrasse bisous. Fort. Et Brian est avec nous. Brian de Toulouse. Salut, Brian. Hello, Brian. Salut, salut, salut. Doc. Salut, Karem. Salut, toute l'équipe. C'est pas Karem, c'est Karel. Mais bienvenue à toi. C'est pas grave, Brian. T'appelles pourquoi? J'ai 13 ans et j'ai déjà envie de faire un mouvement. Comment ça se fait? Dis donc, c'est spécial ce soir, j'ai envie de niquer. Hein. Ah bah ça c'est l'été, hein. En même temps, c'est vrai que putain, il fait chaud, il fait bon, on a tous envie de se... Hein, tu vois ce que je veux dire, Doc? De se dégourdir le gland. Absolument, bah tu l'as dit. Mais toi tu te dégourdis bien en ce moment, j'ai l'impression. On va revenir avec Juliane Peretta dans un instant. Et on vous attend là si vous voulez réagir. Hein. 01 42 48 5000, posez vos questions à l'antenne en direct. 3 petites minutes, on est de retour sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. Salut, c'est JB. Salut, c'est Adrien Thomas. Electro Beach. Adrien, du 14 au 16 juillet, Axwell Ingrosso, David Guetta, DJ Snake ou encore Hardwell, ils mixeront tous avec la famille Fun Radio à l'Electro Beach Music Festival. Et ce jeudi soir, tous ces DJ, vous allez pouvoir les écouter dans le Before Party Fun spécial Electro Beach Music Festival. Make some noise! La radio qui vous fait vivre les plus grands festivals électro, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Chez Sarenza, il y a les soldes. Parfait pour nos clientes comme Valentina, pour qui acheter des baskets soldées sur l'appli Sarenza est le sport estival. Ne force pas trop tout de même. Hein. Mais non, je commande juste des Geox, des New Balance, des Nike. Tu veux pas faire une pause? Te lever 2 minutes du transat? Nager un peu? Non, t'inquiète, faut que je valide là. Ouais, bah va pas te faire un cliquage, hein, tout de même. Très drôle. Chez Sarenza, nous aussi, nous sommes très sport. C'est pourquoi nous livrons vos chaussures gratuitement en 24 heures. Sarenza.com. Voir conditions sur le site. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. This is the sound of party. Fun. Mercredi soir, au Beach Club La Croisette, à Toulouse. Salut tout le monde, c'est Mikosé. Venez faire la fête sur le meilleur du son dance floor. En plein air, avec le DJ résident Fun Radio, Mikosé, qui vous mixera tous les tubes de Party Fun. La première émission dance électro en France le week-end. Party Fun Club by Mikosé au Beach Club La Croisette à Toulouse. C'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Plus d'infos sur funnight.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Come on! Fun Radio. Hi, I'm Calvin Harris. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai des mérités, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne, fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, et dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Sinon à 42 48 5000. Love in Fun. Avec Doc et Karel. 20h-22h. Sur Fun Radio. Et c'est votre émission tous les soirs sur Fun Radio au standard 01 42 48 5000. C'est le numéro si vous voulez débarquer à l'antenne là pour parler de tout, hein, sans tabou chaque soir. Venez poser vos questions, venez témoigner sur Fun Radio, vous confiez aussi. N'hésitez pas, 01 42 48 5000. On accueille Gaetano là au standard. Il a 24 ans, il est de Mâcon. Salut Gaetano. Salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut. Bienvenue dans le VinFun Gaetano. Tu nous appelles pourquoi? Alors moi en fait je vous appelle parce que c'est un peu dur ce que j'ai raconté, mais j'ai mon petit garçon de 3 ans et demi qui s'est noyé dans ma piscine mercredi dernier. Là il était en réanimation jusqu'à lundi. Ils l'ont déclaré mort cérébrale, donc bah là actuellement il est plus avec nous quoi. D'accord. Donc ouais voilà, savoir comment c'est possible de se reconstruire après un drame comme ça. Oui, c'était mercredi, hein, c'est ça. C'est ça. Il y avait juste une question, mais il n'y avait pas de sécurité. Je sais que maintenant il y a des sécurités sur les piscines. Comment ça a pu se produire ça? Ben en fait, c'est une piscine hors sol. Ouais. Le truc qu'il y a, c'est que c'est un petit garçon qui était trop précoce. Il est sorti de la maison par la fenêtre. Il a poussé une chaise contre la piscine, puis il s'est penché dans la piscine et puis. C'est souvent effectivement comme ça que ça se passe et les accidents en piscine sont extrêmement fréquents. Moi, je voudrais que tu nous racontes. Comment, parce que c'est peut-être très important pour toi, comment tu as découvert ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, le truc qu'il y a, c'est ce qui est encore plus dur, c'est que je l'ai entendu, le bruit de l'eau. Ouais. Mais vu que pour moi, à la base, bah, les enfants étaient dans la maison, bah, y a eu un petit laps de temps, alors je ne saurais pas dire si c'est 30 secondes, une minute ou quoi, ouais. À peu près. Donc je suis allé, c'est là que je l'ai vu étaler au fond de l'eau. Cauchemar. Ouais. Et puis bah, je l'ai sorti, puis j'ai commencé, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le 15, puis j'ai commencé massage cardiaque jusqu'à ce que l'arrivée des secours. Ouais. Puis ils ont réussi à faire repartir son cœur. Mm-hmm. Après, ils l'ont transporté en hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Lyon, puis bah, c'est là-bas qu'il est resté pendant 4 jours en réanimation, mm-hmm. jusqu'à ce qu'ils ont pu faire les examens pour le cerveau, puis se rendre compte que... Il est en état de mort cérébrale. Voilà, c'est ça. Ok. C'est cette phase très précise du moment où tu découvres et au moment où tu t'occupes de lui, c'est quelque chose qui revient en boucle en permanence. C'est ça. De même que tu te demandes comment tu as pu laisser faire ça. Bah, c'est vrai qu'on a un énorme sentiment de culpabilité. Après, tout le monde me dit, de toute façon, un enfant, quand il est déterminé. Mmh. C'est quand même dur de se dire que c'est quand même... Enfin, au fond de moi, j'ai quand même un gros sentiment de culpabilité. Oui, ce qui est normal, évidemment. Mais comment va sa maman? Alors, sa maman, ça va. Elle a un peu plus de mal que moi à surmonter quand même le drame. Le drame, parce que bon, j'essaie de faire quand même fort devant elle pour pas, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a un petit garçon derrière. Qui a quel âge? Il a 20 mois. Qu'est-ce que tu as dit à ce petit garçon de 20 mois? Bah, j'ai essayé de lui expliquer que, je lui ai dit que son frère avait fait une bêtise, puis que, maintenant, il allait plus le revoir, quoi. Mais pour l'instant, il est pas conscient des choses, lui. Il est pas conscient des choses, mais toutefois, il le vit pleinement, ouais. Ne serait-ce que votre profonde détresse affective et psychologique, parce que vous êtes forcément dans un état. Donc lui, il voit bien que vous avez complètement changé. Donc la douleur, quand il nous arrive quelque chose comme ça, elle est immense. On peut pas se remettre de ça quelque part. Si, on peut se remettre, mais on y pensera tout le temps. Oui, bien sûr. Disons que c'est un choc psychologique extrême parce que c'est arrivé de façon imprévisible. C'est pas dans l'ordre des choses. Hein. On enterre ses parents, mais on enterre pas ses enfants. Quoi. Ah bah non. Puis surtout que tout se passe très vite. On est obligé. On nous annonce que notre enfant est mort. Dès le lendemain, faut courir au pompe funèbre, faut aller à la mairie pour choisir un emplacement au cimetière. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez violent, quoi. On est tellement désolé pour toi, Gaetano. Merci, c'est gentil. Gaetano, je te remercie beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Bah, merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de t'écouter, là, qui réagissent aussi sur les réseaux sociaux, qui disent combien ils sont de tout cœur avec toi. C'est gentil, je les remercie. Je les remercie. On t'embrasse, Gaetano. Et bah, moi aussi, puis merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de me conseiller. Tu rappelles quand tu veux. D'accord, merci beaucoup. Salut à toi. Salut. Au revoir. 01 42 48 5000, c'est Brian là maintenant sur Fun. Salut Brian. Salut Brian. Et là, on t'entend pas bien là. Oula Brian. On te perd. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Excusez-moi, je parle pas assez fort. Ah bah voilà, nickel. Voilà, oui. T'appelles pourquoi toi, Brian? Voilà, donc j'ai 13 ans et j'ai envie de faire l'amour. Comment ça se fait? C'est normal. Tu es normal parce que ta puberté, ta voix change, donc ta puberté a débuté avec une forte poussée d'hormones, de testostérone pour ce qui te concerne, qui éveille ta sexualité. Qui va effectivement mûrir, maturer, et que une sexualité mature, eh bien, ça, ouais. T'as une libido, t'as donc envie de faire l'amour. C'est tout à fait logique, ça veut dire que tu vas le faire. Et comme tu peux pas, parce que généralement à 13 ans tu peux pas, tu te masturbes. Oui, tu te masturbes aussi pour libérer une certaine tension. Ah oui, tu te masturbes, Brian. Tu penses beaucoup plus qu'à le sexe. Tu es normal, Brian. Tu penses au sexe tout le temps, et c'est tout à fait logique, et voilà, il faut pas te culpabiliser pour autant. Les filles t'intéressent? Oui. Tu la regardes plus comme avant, n'est-ce pas? Non. Ah, tu la regardes comment maintenant? Je la regarde un peu plus, comment dire? Comme si t'avais envie de coucher avec elle. C'est ça. Voilà. Allez, bien sûr. Bien sûr. C'est juste normal, Brian. C'est juste que tu vas voir que ça va pas se faire tout de suite, généralement. Il y en a qui le font à 13 ans, mais. Oui, il y en a qui le font à 13 ans. En même temps. Tout se passe beaucoup dans la tête, on imagine beaucoup tout cela, la sexualité, on y pense. T'en parles avec tes potes de sexualité? Ah oui, j'en parle. Tout le temps. Ok. Tu regardes des films de X? Des films de X? Non, ne regarde pas parce que c'est pas un bon exemple. Je le dis comme ça parce que voilà. Aussi, Doc. Oui, mais non. Oh, ça va, on a le droit de regarder. Non, arrêtez. Non, je suis désolé. Mais je regarderai quand même. Oui, mais toi, t'es un vieux, donc. Regarde, il a 13 ans. Il a 13 ans, que les adultes se masturbent là-dessus parce qu'ils sont en panne de sexualité ou de fantasme, c'est pas un problème. Brian, toi, tu as 13 ans, et c'est pas, voilà, je te le conseille pas de regarder parce que finalement, c'est pas une image positive de la sexualité. Parce que dans les films porno, l'individu est objetisé, c'est un objet de consommation comme un autre. Mais une fois. La sexualité, c'est autre chose. Ok, d'accord, mais une fois qu'on le sait, parce qu'on le sait, on sait que c'est des acteurs et tout. Pas 13 ans. J'entends bien, Doc, mais bon, à 13 ans aussi, tu peux avoir un minimum de cerveau et savoir que c'est pas forcément. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ça fait des dégâts plus qu'il n'y paraît. Et surtout, ça n'apporte rien. Sinon,